Then wake up. Bienvenue dans la fucking caravane. Bonjour à tous, c'est la fucking kermesse numéro 29. On aurait aussi pu s'appeler l'armée des 12 sages, mais la concurrence aurait grincé des dents de sagesse. Ouais. Ah, on adore, alors, mais évidemment. Ça m'avait manqué ce genre de galéjade. Ah, ça, c'est, je pense que ça avait manqué à tout le monde après des années. La première phrase qu'on entend, c'est une blague digne de ce nom, hein, vraiment. Alors, vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu, c'est Steven. Bonsoir, Steven. Et bonsoir, Stavro, comment vas-tu? Bah ça va, hein, on confine, et il y a aussi bien sûr le chroniqueur de l'extrême, Landros, Alexis, salut. Salut Stavro, salut Steven. Salut Landros. C'est la première fois qu'on t'appelle Landros. Ouais, c'est ridicule. Appelez-moi Alexis, hein, c'est très bien. Ouais, c'est ridicule, c'est ton pseudo, on n'y peut rien. Hein. C'est un vieux pseudo. Du coup, ce soir, on enregistre chacun chez soi. Hein. Y a pas de petite ville, pas de petite salle de la mairie de Garges-lès-Bedottes pour nous accueillir. Il n'y avait pas de case faire du podcast sur l'attestation, donc on n'a pas pu se retrouver. Il y avait activité professionnelle, moi j'hésite à mettre ça. Ouais, mais après, ils auraient écouté, ils auraient vu c'est pas assez pro, tu vois. C'est vrai. On aurait eu une amende et ça vaut pas. Et on aurait pu payer l'amende si on avait un Tipeee comme Alexis, mais c'est pas le cas. Effectivement. On est première émission depuis 3 ans, on n'a même pas commencé, on a déjà mentionné le mot Tipeee, et ça c'est bien, ça c'est bien. C'est clair. Du coup, effectivement, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bon, c'est ça, c'est la reprise, bah, c'est, il y a eu quoi, il y a eu les vacances de Pâques, week-end un peu long, férié, donc on n'a pas pu se retrouver. On a pris un peu de retard, c'est vrai, sur la dernière. Ouais, après t'es parti en vacances, bon, il y a eu 2-3 semaines un peu compliquées, et puis bon, bah, voilà, quoi, ça explique finalement ces 3 années. C'est ça, c'est pas de bol quoi. Genre, ouais, voilà. En fait, je peux pas venir parce que j'ai plus d'essence, machin. Ouais. Voilà, que des tuiles. La tuile continuelle. Un peu le Pierre Richard du podcast. Exactement, mais pendant ce temps-là, on a laissé un peu le milieu du podcast évoluer aussi. On s'est dit, on reviendra quand il sera temps. Là, maintenant, on sait que ce qui manque au podcast, c'est 3 babtous trentenaires avec des lunettes qui parlent de pop culture. C'est vraiment le bon moment pour faire un podcast et être pertinent. Ça manque de ouf, ouais. Mais pendant ce temps-là, toi, Alexis, bah, t'as continué ton aventure de YouTube. Maintenant, tu dînes avec Cyprien et le grand JD tous les soirs, hein, si je ne m'abuse. Ah ouais, j'ai vu pas mal ton feat avec Squeezie. C'était vrai. Ouais, merci, hein, c'était cool. Hein. Le truc un peu négationniste sur les pyramides, tout ça, là, c'était cool. J'ai bien aimé. Pour une fois, j'étais d'accord avec ce que tu disais. Truc négationniste sur les pyramides, on dirait Stargate quand tu le dis comme ça. C'est peut-être un peu ça, effectivement. Et après, bah, Steven, toi aussi, t'as fait du podcast, enfin depuis pas longtemps. Ouais, mais... j'ai lancé. Bah, pour le moment, il n'y a qu'une émission qui s'appelle. La première émission du Bar à Louisette. La prochaine arrive bientôt, dès qu'on sera déconfiné et qu'on pourra réenregistrer. Donc voilà, là, il y a une sorte de pilote, même si ça va beaucoup changer au niveau du format. Ça reste un truc plutôt cool. Alors allez écouter. Ah, vous pouvez écouter le Bar à Louisette, hein, c'est comme la fucking kermesse, mais pas avec les mêmes personnes. Voilà. Et on commence à l'heure. Ah, okay. Donc c'est pas vraiment la fucking kermesse, je peux me permettre. Non, c'est pas vraiment. Après, oui, le format de l'épisode 1 là, ressemble beaucoup à la fucking kermesse. Ok, bah, franchement c'est bien, moi j'ai écouté et j'aime bien. Donc c'est approuvé par Stavros, ce qui est assez important pour les podcasts. Pendant toutes ces années, j'ai eu beaucoup de podcasts qui se lançaient, Slate, tout ça, qui venaient me voir, est-ce que le format est bon selon toi? Je disais, ouais, ça va, faites ci, faites ça. Mais t'as fait des préfaces surtout au podcast. Tu as une préface de Stavros. Ah bah, ça serait génial. Putain, ça c'est un concept à inventer, la préface du podcast. Bon, du coup, ce soir, on se retrouve pour parler des sages dans la pop culture. Alors, Steven va dire, ouais, c'est écrit sur le nom de l'épisode parce qu'il se croit toujours malin. Oui, c'est écrit, mais du coup, on va essayer de parler de la façon dont ils sont représentés, leurs caractéristiques, les origines de cet archétype de narration. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais en 3 ans d'absence, on est devenu beaucoup plus sage. C'est ça, on s'est enfermé, on a médité, et là on revient pour vous apporter la bonne parole. On revient plus fort. On descend du mont Sinaï. du mont kebab. Clairement. On descend plus du mont kebab qu'autre chose. Ouais. On a des grosses barbes, des longs cheveux, on est pieds nus, voilà quoi. On est illuminés, ça y est. Ça y est, donc là on fait déjà la première partie, t'as balancé toutes les caractéristiques, on n'a plus rien à dire. Mais justement, on va avant toute chose faire un petit roule-plateau, parce que comme à l'habitude, il y a un roule-plateau, il y a aussi un petit quiz que j'ai fait, vous allez voir le quiz. Si vous souvenez celui de la FK22, je pense qu'il sera aussi bien. Tu peux pas dire tes noms d'épisodes qui ont 5 ans comme ça, comme si on s'en souvenait. C'était quoi la FK22? Non mais les gens, oh, putain, ils écoutent la prison. Non, c'était la prison, c'était affreux ton quiz, j'espère que c'est pas ça. Alors, vous allez voir, restez pour découvrir si le quiz est nul ou très nul. Attends, c'était le truc qui durait 45 minutes où on devait choisir des ronds, des croix, des triangles, là. Oui, c'est pas le même système, mais c'est le même résultat. Putain, on est de retour. Ouais, ça fait pas plaisir. J'ai créé du suspense. Et il y aura aussi, alors pas une vie Patrick, mais... Patrick va mener l'enquête à travers Steven. Tu veux dire ce que c'est ou pas encore? Bon, on peut dire, ouais, ce sera un inspecteur Patrick, le premier épisode de l'inspecteur Patrick. Puisque non, je crois que dans la dernière FK, la 28, on avait lancé un nouveau format de Patrick. Du coup, on s'est dit, bon, bah là, on revient, il faut relancer un nouveau format de Patrick. Hein, on va faire ça à chaque normal. Fois. Et donc, ce premier épisode s'appelle Da Flunchy Code. Oh voilà. My god, waouh, j'ai trop hâte d'entendre. Mais on pourrait faire ça à la merde. Hashtag mystère. Ouais, à chaque émission, un nouveau format de vie Patrick, ça serait bien. Même pour la chute, ce sera un mystère aussi, vous la trouverez chez vous. Bah, on a toujours fait des blagues en kit, alors on peut continuer sur les chutes en kit aussi. Hein. Faire un grand concours, qui aura la meilleure chute à la chronique de Steven. Ouais, ce serait bien. Non, après, il va falloir lire et tout. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait des pseudo-concours ou des trucs où il fallait parler avec les gens, on le faisait jamais, donc on va éviter. Du coup, on commence par un petit roule-plateau. Attends, non, juste avant de commencer par un roule-plateau, je voudrais remercier... tous les gens qui ont continué pendant ces années d'absence à nous envoyer des messages sur Twitter en nous dire de revenir. C'est vrai. Messages auxquels nous n'avons pas répondu en général. C'est vrai que moi, j'avoue, je ne me suis pas connecté au Twitter de la FK pendant 2 ans et demi. Et quand j'y suis retourné il y a quelques semaines, parce qu'on s'est dit on va peut-être en refaire une, j'ai vu tous ces messages et ça faisait chaud au cœur, quoi. Ouais, je me suis senti comme je sais pas, Jean-Luc Lahaye qui voit des messages de fans alors qu'il a pas fait de concert depuis. Oh, peut-être pas Jean-Luc Lahaye, j'ai pas envie de me sentir comme lui. un autre mec plus ouais, sympa. J'ai senti que t'étais parti sur un truc un peu tricky là, mais. Ouais. Mais comme un mec, comme Bernard Montiel, voilà, lui je l'aime bien, qui voit des messages de fans qui lui demandent quand est-ce que va revenir Vidéo Gag. Ça fait plaisir. Ça n'a servi à rien parce qu'on vous lisait pas, mais quand on vous a lu, ça nous a fait très plaisir. Et moi je disais en réalité. Oh, Steven, il est toujours un peu sentimental, un peu fleur bleue. Parce que c'était moi qui écrivais. J'avais plein de pseudos. J'avais quand est-ce que vous revenez. Tout ça pour relancer un Ulule et escroquer les abonnés, quoi. Non, on va plus faire ça, je crois. Je crois qu'on a compris qu'on était des merdes et qu'on ferait pas ça. Effectivement. Après, juste, je voudrais relativiser un petit peu la durée d'absence de la FK. C'est-à-dire, si vraiment on avait été un podcast mensuel. 2 ans et demi, truc d'absence, ça aurait été long. Mais vu qu'on était genre biannuel, à peu près, bon, ça va, en vrai. C'est vrai, il n'y a pas raté tant d'épisodes que ça. Et puis en plus, on est parti en parlant d'apocalypse, on revient pendant l'apocalypse, quelque part, on a trouvé une certaine cohérence. Donc, c'est vrai. Exactement. Eh bien, très bien, on va pouvoir se lancer sur les chapeaux de roue et sur les chapeaux des roues et sur... ouais, bon, j'ai plus de... Le roule-plateau, quoi, c'est maintenant. Le roule-plateau. Et du coup, ben, et on va pas changer une équipe qui gagne plus depuis 3 ans, et on va faire un petit roule-plateau. Vous vous souvenez, hein, le roule-plateau, ce petit ustensile très pratique qui permet de se déplacer dans le flunch avec sa nourriture, en faisant des plateaux, alors j'allais redire en baldaquin, mais même moi j'en ai marre de dire ce mot pour définir ça, donc on va dire en pyramide. Putain, en tout cas, mec, en 3 ans d'inactivité, tu t'es pas amélioré sur les lancements. Non, bah ça c'est effectivement. J'ai beaucoup médité pour que l'inspiration vienne, mais je suis pas encore un vieux sage du podcast, hélas. Du coup, toi, Steven, tu voulais parler de quoi dans ton roule-plateau? Putain, pourquoi tu me fais toujours ça? Bah ouais, parce que je sais que t'aimes pas commencer. Et bah c'est pas gentil. Eh bien, moi je vais parler de roman. Ok, super. Ouais. Je sais pas comment on dit, une suite de romans. Enfin, c'est plusieurs romans d'affilée. Voilà. Un cycle, ouais, si on veut. Mais un cycle, il faudrait que tu vois que ça s'arrête. Pour le moment, c'est pas arrêté. Donc, okay. C'est pas, Ça s'appelle... En fait, ça n'a pas de nom. Ça, on appelle ça le cycle du Bourbon Kid, ou la suite de romans du Bourbon Kid. Parce que le tout premier livre, il s'appelle Le Livre Sans Nom, d'un auteur qui est anonyme. Et voilà. Donc, le déjà, mec, il est des fanfics. Non, pas du tout. C'est un auteur, juste, il a pas, il donne pas son nom. Et okay. Son livre, il n'a pas de nom non plus. Donc, ça s'appelle Le Livre Sans Nom. En gros, c'est un peu genre polar, chelou, avec des vampires. Et c'est tu plutôt l'es. Cool, on suit un personnage qui est le Bourbon Kid, même si on ne le suit pas dans chaque bouquin. Il y a des bouquins qui décentrent un peu l'histoire et qui mettent en place de nouveaux personnages qui ensuite vont revenir dans la trame principale du départ. Et c'est écrit de manière un peu trash, un peu pulp. Voilà, pour le moment il y a 8 romans, je crois que c'est ça, ouais, 8 romans. Ça a commencé en 2006. Et là, on en est à 7 ou 8 romans et une nouvelle. C'est t'as plutôt cool. J'en suis à l'épisode 6, je crois. Ouais, c'est ça. Il m'en reste 2. Okay. C'est pas un peu dégueulasse, le bourbon avec la pulpe? Ok. Ouais, merci. Et c'est un truc plutôt pour adultes ou c'est, jeune adulte, genre Twilight et tout? En fait, je vois pas trop la différence, mais c'est plus... Pour le coup, il y a vraiment des trucs un peu trash, un peu dégueu. C'est pas Twilight. C'est clairement pas okay. Twilight. Il y a eu des suspicions, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu fini, mais des suspicions sur le fait que l'auteur, ce serait Tarantino. Ok. D'accord. Notamment parce que l'écriture, elle est très cinématographique. C'est vraiment une écriture où, surtout sur les premiers, t'as vraiment l'impression de suivre un script de film, un peu. Et l'auteur lui-même... Il y a des bandes-annonces au début ? Il y a des pubs. Ouais, c'est ça. L'auteur ça lui-même. Sent le popcorn, joue... les livres. Vous êtes con. Tu dois être dans ton téléphone quand tu lis le livre. C'est nul. Voilà, l'humour. L'humour de 2018 il n'est pas mort, quoi. Voilà, bah lisez ça parce que c'est cool. Au bout d'un moment, c'est un peu répétitif, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas de la grande littérature, mais ça se lit très très bien. Et c'est plutôt cool. Il y a des personnages un peu classe. Voilà. On voit que l'auteur est un homme parce que les personnages de femmes sont plutôt nuls. Mais effectivement, voilà. Ça peut être Tarantino, donc. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ouais, il y a un petit côté où on se dit, ouais, il y a un truc. Voilà, j'ai terminé mon rôle plateau. Lisez des livres. Super. On est confiné chez nous, il veut qu'on lise des livres, le mec. Même pas nous faire, alors, tu me diras. Pourquoi pas. Et toi, Alexis, est-ce que tu as quelque chose pour nous sauver un peu de cette période difficile? Oui, et pour changer, c'est un jeu vidéo. Je pense que j'avais jamais parlé de jeu vidéo dans la fucking carrière. C'est vrai. Normalement, c'est toi qui parles de livres à chaque fois. Ouais. Vous avez échangé les rôles. Exactement. Et du coup, c'est un jeu vidéo qui s'appelle The Procession to Calvary, qui est un point and click développé par un développeur indépendant londonien qui s'appelle Joe Richardson. Oh, il y a beaucoup trop d'infos. Du coup, c'est un jeu où tu pointes et tu cliques, c'est ça? Exactement. Et... qui avait déjà fait il y a quelques années un jeu qui s'appelle Four Last Things, qui avait été pas mal salué par la critique. Okay. Et la spécificité de ces jeux, c'est qu'en fait, il les développe, le décor, les personnages, etc., à partir de tableaux de la Renaissance, qui découpe en fait, pour faire les décors, donc les arbres, les bâtiments et tout, sont tous issus de peinture, et tu évolues, enfin ton personnage évolue dans ce monde-là, et toi-même, le perso que t'incarnes, c'est un perso découpé d'un tableau dont il anime les membres pour marcher, etc. Ok, ça doit être assez étrange, ça fait un peu patchwork du coup. Ouais, il y a un côté très Terry Gilliam dans les Monty Python, je sais pas si vous voyez les animations qu'il faisait dans les films. Ouais. Ouais. Ça ressemble beaucoup à ça. Et en plus, l'humour est très Monty Python parce que le développeur est anglais, c'est hyper fun, c'est trash, bref, c'est vraiment des super jeux et je vous le recommande et du coup, très fortement. Ton personnage, c'est un personnage de tableau. Ouais, en fait, les tableaux n'ont pas de... Comment dire? T'évolues pas dans des tableaux au sens que tu serais un personnage dessiné qui bouge. En fait, ton personnage, il est issu d'un tableau, mais c'est un hasard. Et toi, t'évolues dans un monde qui a du sens pour toi et qui est le monde normal, quoi, entre guillemets. C'est juste qu'il est illustré, qu'il est dessiné d'une façon... particulière, qui est celle de la Renaissance, quoi. Est-ce que tu reconnais des tableaux connus et tout? Est-ce que c'est un peu le Avengers de la peinture? Ouais, il y a un peu de ça. Genre, il y a la jeune fille à la perle, à un moment. Waouh. Qui du coup n'a pas sa perle et dit ouais, je me sens bizarre et tout, il me manque un truc. Tu vois, donc, Oh la vache, c'est le. Ouais, c'est ça, c'est le peinture universe, quoi. C'est ça. Et t'as tout un. Est-ce que ça s'inscrit dans le dispositif Nation apprenante de Jean-Michel Blanquer? Alors, apprends en t'amusant. Ça pourrait. Mais bref, en tout cas, c'est assez cool. Je vous conseille vraiment. C'est des petits jeux. Hein. Il y a 5 heures de gameplay. J'en ai déjà streamé une partie sur Analeps, hein, si vous voulez lâcher des pouces bleus, évidemment. Ah, ça y est, c'est l'instant pub. C'est évident. mais bref, voilà. Allez soutenir ces jeux qui sont des petits jeux indés assez cool. Et vous avez des recommandations de trentenaires, quoi. Hein, lisez des livres, jouez dans des tableaux. Super, quoi. Alors vraiment. Et toi, Stavro, du coup, c'est Charmed, du coup, encore ou... Alors moi, non. Je n'avais pas trop de quoi parler, mais okay, je vous parlais attends, de... Attends, Stavro. Il faut savoir que Stavro est en train de se faire l'intégrale de Charmed. Actuellement. Oui, non, mais j'ai un peu arrêté là. C'est vraiment moi et ma copine on regarde ça, mais ça, même nous, ça nous a un peu saoulé à force, mais on a regardé. Tu m'étonnes. On est dans la saison 4 et ça commence à être un peu redondant au bout d'un moment. Quoi. Il se passe quoi du coup dans la saison 4 Cole, c'est la source, mais les gens, ils le savent pas. Paige, elle est arrivée. Voilà quoi. Ok, bah fois. Merci pour ton rôle plateau, Stavro. Non, je savais pas de quoi parler, mais du coup, je vais parler de mon vice depuis quelques mois. C'est un jeu vidéo aussi, ça s'appelle le TFT. C'est en gros Team Fight Tactics en anglais. C'est un mode de League of Legends. Alors, bon, déjà, je suis pas très fier de moi quand je dis ça. Donc, vous connaissez sûrement la League of Legends. C'est un jeu avec des puceaux agressifs 5 contre 5 en équipe qui doivent détruire la base de l'autre. Un jeu un peu de stratégie, quoi. Et là, c'est un mode où tu contrôles pas un bonhomme, du coup, comme dans le jeu de base, tu contrôles, en fait, t'as une sorte d'échiquier devant toi, et tu dois assembler des bonhommes qui vont se battre tout seuls sans que tu fasses rien. Et toi, ton but, c'est juste de faire la meilleure équipe possible en respectant des combinaisons, quoi. Enfin, 4 bonhommes du vent, ça va donner un bonus de plus 20% en attaque, t'en rajoutes 3 de feu, ça va faire un bonus de 20% en défense. Enfin, je dis n'importe quoi, mais l'idée, c'est ça, quoi. C'est un genre de jeu assez répandu maintenant, c'est des. De l'auto-chess, ça s'appelle des échecs automatiques. On peut juste faire une équipe avec des bonnes combinaisons pour battre les autres, mais tu gères pas les combats. Tu gères juste la position et l'assemblement des personnages. Donc je me sens un peu comme un général chinois du 4e siècle, tu vois, en mode l'esprit tacticien. Mais du coup, après, tu vois la résolution des combats ou c'est juste du management Non, tu vois la résolution des combats, ouais. En gros, c'est des manches, quoi. Du coup, en gros, dans une partie, t'as, je sais pas, 40 manches, quoi. Ok. Putain, ça fait un vêtement assez chiant à coudre. C'est nul. Voilà. Moi, j'aime bien. Et du coup, voilà, c'est ce que je joue beaucoup trop. C'est assez addictif parce que bah, vu que t'as beaucoup de combinaisons possibles et qu'il y a la compète, quoi, vu que tu joues contre vous êtes 8, enfin c'est du 1v1 avec 8 personnes. Okay. À chaque fois que tu perds une manche, tu perds des PV et quand t'es à 0, t'as perdu. Le but c'est d'être le dernier survivant. Bah t'as envie de recommencer, quoi, parce que moi j'aime pas qu'on insulte mon ego et mon intelligence. Du coup, je veux gagner à chaque fois. Et voilà. Donc c'est des ligues genre comme sur Hearthstone et compagnie. Ouais, oui, t'as une partie c'est 8 personnes, quand tu gagnes du classement et ouais effectivement c'est bronze, argent, or, platine, diamant, maître, grand maître. Je suis platine, voilà, okay. J'espère un jour arriver au sommet bien sûr comme Sacha. Mais bon. Eh bien, allez jouer à Procession to Calvary. Ouais. En fait, alors, là, tu t'es foutu de notre gueule en disant oui, vous êtes des trentenaires et tout. T'as quand même basiquement dit oui, il y a trop de puceaux sur LOL, du coup, je joue aux échecs. Aux échecs de LOL, parce que je reste un mec toujours un peu populaire, quoi. Ah, on te reconnaît bien là, genre les combats, ça se fait tout seul, quoi. Faut pas trop demander. Moi, j'organise de loin. Ouais, c'est vrai que ça me correspond bien, finalement. À part le mot organisation, quoi. Bah, si je range des trucs dans le jeu, c'est pour pas les ranger autour de moi, évidemment, c'est bien. C'est bien connu. On espère que vous allez lire l'Enfant Bourbon, Procession to Calvary, la procession vers le calvaire, peut-être en français, je ne sais pas. Exactement. Et le combat tactique, voilà. Je francise tout, c'est une nouvelle loi qu'on nous impose dans la balle de diffusion, bien sûr. Et du coup, on va pouvoir passer au sujet qui nous intéresse maintenant, les sages. les vieux sages, sont-ils vraiment sages, sont-ils vraiment tous vieux, ou certains ont-ils des postiches? C'est ce que nous allons voir maintenant dans le premier acte. C'est pas du tout ça le thème de l'émission, j'espère. Bah, t'as pas vu le conducteur? Ouais, si, je l'avais vu, mais j'avais pas vu que t'avais changé. Et que t'avais rajouté toute une partie sur les postiches. Et on va parler du père Fouras, essentiellement. Exact, bah ça, tu te doutes que oui. Allez, c'est parti! Wackety pockety wackety walk, abracabra d'abranac, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac, et qui tous fit, et tous fit, et tous boum, presque digitant! Attention, attention! Alors, on va se lancer dans l'axe 1. Vous savez, nous, on aime bien, on est un peu des petits mecs qui font des dissertations, mettre des petits axes bien rangés avec des titres. Le premier axe, c'est Merlin, le roi des archétypes de la sagesse. Attention, dedans, il y a une blague que vous pourrez comprendre chez vous, à retardement, hein, une blague à infuser, comme un bon petit sachet de verveine. du coup, là, on va commencer à voir un vieux sage. Quand on pense vieux sage, à quoi on pense? C'est quoi ses caractéristiques? D'où viennent ces caractéristiques? Déjà, la première caractéristique du sage, tu la donnes quand tu dis vieux sage. Ouais, souvent, c'est ça, ouais. Le terme de vieux, il est presque contenu dans l'idée de sage. Ouais, c'est vrai. Un sage, c'est forcément vieux. On peut prendre les exemples les plus bateaux, Gandalf, Dumbledore, Yoda, si on veut, les trois plus mainstream, quoi. Merlin sages, aussi, qui est dans le titre. C'est vrai, Merlin qui est dans le titre. Et ils sont tous vieux. Pourquoi la vieillesse est synonyme de sagesse pour vous? Déjà la vieillesse, ouais, c'est l'expérience. C'est surtout l'expérience en fait. Ouais, c'est en fait le mec, s'il est vieux, c'est qu'il a réussi à survivre quoi déjà. il est assez sage pour pas être mort n'importe comment. Ouais. Non mais surtout, je pense que c'est à remettre dans un contexte historique, pardon, un peu plus ancien où. Analepse, c'est ça. Exactement. Non mais ce que je veux dire, c'est que évidemment. Dans l'Antiquité au Moyen-Âge, survivre jusqu'à 60, 70 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est clair, ils avaient un peu plus de mérite, ouais. C'est ça, donc le vieux à l'époque, forcément, il était synonyme de sagesse parce qu'il avait survécu justement à toutes ces épreuves de la vie, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il est en EHPAD, quoi, c'est tout. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a eu un renversement là de ce qu'on a dit. On a dit le sage, il est forcément vieux, et là vous êtes en train de développer le vieux, il est forcément sage. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Non, mais parce juste on pourrait faire la même analyse avec les vieux cons. Les vieux cons, s'ils sont vieux, c'est parce que être con, ça conserve. Tout le monde le sait. Tu vois? C'est bizarre un petit peu. On a dit le sage, il est vieux parce qu'il a de l'expérience, et après on dit l'expérience, elle nous permet de vieillir. C'est chelou. Non, comment tu dirais ça? Nous, ce qu'on dit, c'est que la vieillesse, c'est synonyme de sagesse parce que à l'époque antique, moyenâgeuse et tout, si t'étais vieux, c'est que t'étais assez sage pour ne pas être mort, t'as esquivé les rats qui donnent la peste, t'as esquivé la malnutrition, t'as réussi à filoter pour vivre jusque-là, quoi. Et puis t'as vu des choses, quoi. C'est-à-dire que au-delà d'y avoir toi-même survécu, tu peux raconter. Si t'as survécu à la peste, tu peux raconter 10 ans plus tard, moi, il y a 10 ans, mon petit gars, j'étais là et j'ai vu que ça s'est passé comme ça, quoi, tu vois. Ouais, mais du coup, là, on retourne sur la sagesse, et elle est associée à la vieillesse, non pas parce que quand on est vieux, on est sage, mais parce que le sage, pour être sage, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du vécu. Ouais. Si on a des connaissances, mais qu'on n'a pas l'expérience, on n'est pas un sage, on est quelqu'un, un intello, quoi. Ce serait plus le stéréotype de l'intello que le stéréotype du sage. Ouais, c'est vrai. C'est les phrases que disent tes parents. Moi, tu sauras quand t'auras mon âge. Voilà, c'est le vieux sage, c'est un peu ça, quoi. Il a des choses à dire parce qu'il a bourlingué, quoi. Il a roulé sa bosse. Je pense que c'est un peu la différence entre genre le grand schtroumpf et le schtroumpf à lunettes. Le schtroumpf à lunettes, il sait des trucs, mais il a pas l'expérience. Ah. Il est pas sage. Il est savant. Ouais, il est a érudit. Il a la théorie, mais il a pas la pratique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, et la première caractéristique du vieux sage. Il a roulé sa bosse, il a vu des choses, et il peut t'en raconter de belles. Autre caractéristique, je pense, tu vois, on a dit, enfin, moi j'ai dit Dumbledore, Merlin, tout ça, ils ont des barbes et des cheveux très longs et blancs. C'est un peu idiot, mais je crois que c'est un truc qui, quand même, va souvent dans ce que caractéristique du vieux sage, quoi. Et tous, ils ont des grosses beubards, des longs cheveux. De manière un peu plus générale, je pense que dans la pop culture, dès qu'il y a un vieux sage qui arrive, tu le vois en fait. Enfin, physiquement, il est différent des autres. Alors oui, ça peut passer, enfin, ça passe très souvent par la barbe ou les cheveux longs et blancs, mais dans tous les cas, il est très différent du reste de la population, quoi. Quand il arrive, tu sais, t'as tilté direct que lui, c'était un vieux sage. Ouais, tout comme ouais, tu vois Steven, tu te dis, ah, lui, il fait de la philo, quoi. Un peu pareil. Super. Pas encore les cheveux blonds, bande de connards. Ouais, tu vois, j'ai regardé dans le jeu de cartes Mascarade, qui est un jeu avec des personnages types. On a un vieux sage qui est représenté sous. Qui est représenté, voilà, avec la barbe blanche, etc. Et c'est le personnage du sage. Et on a vraiment cette iconographie très forte du vieux sage qui est immédiatement reconnaissable. Dès qu'il y a un vieux barbu dans un film ou dans une série ou dans je sais pas quoi, tu sais qu'il va dire un truc de sagesse, quoi. Mais pourquoi le cheveu et la barbe, c'est synonyme de sagesse? Bah parce que quand t'as les cheveux regarder... blancs ouais, et la barbe blanche très longue, c'est que t'es vieux déjà. Ouais. Mais je pense que aussi, j'ai checké, mais je crois que les cheveux et la barbe, c'est aussi des trucs religieux, c'est synonyme de virilité, de sagesse et tout ça dans... Ouais. Dans le judaïsme et dans d'autres religions, par exemple, même avant, en Égypte antique, si je dis pas de bêtises, la barbe, c'est symbole d'autorité, tout ça. Donc, depuis des temps immémoriaux, la barbe et les cheveux, c'est des symboles soit de pouvoir, soit effectivement de connaissance. Et donc, si on associe à ça en plus la couleur blanche qui fait que t'as vieilli, t'es devenu vieux, ouais, t'es l'archétype du vieux sage, quoi. Surtout qu'en général, le sage, il est pas juste vieux, il est genre survieux, il est hyper vieux. Non mais c'est vrai, il est plus vieux que les autres, tu vois. Tu vois des vieux, et lui il va être plus vieux. Genre c'est le vieux absolu, quoi. Donc il a sa barbe très blanche et ses cheveux très blancs pour montrer qu'il est très très vieux. Il a pas un petit peu de gris, de machin, de truc, non, c'est tout blanc. Et ça, mais même déjà en dehors de la culture populaire, l'idée que le sage, il est un peu plus vieux que les autres, on le retrouve... je sais pas, par exemple, Bouddha est mort très vieux. Donc c'est cette idée de l'extrême vieillesse en fait du sage qui est quand même plus ou moins en train de dépérir sur place. Et puis même au-delà de la vieillesse, pour les côtés justement cheveux et barbe, moi je m'en rends compte dans Analepse quand j'illustre des auteurs grecs, ils ont tous la même gueule. Ils ont tous la même gueule, c'est insupportable. Ils ont tous de la barbe longue, les cheveux bouclés. Ça dépend. Regarde, si tu prends... Après, ça dépend de qui tu prends. Ah, ça y est, on touche aux cheveux de Steven, les philosophes grecs. Il est vrai que Steven a chez lui des bustes de tous les philosophes devant lui. Ouais. C'était une collection Atlas il y a quelques années. Le dernier, il l'a payé 900 francs. Ouais, je le reçois dans ma boîte aux lettres, ça prend un peu de place. Non, mais tu prends par exemple Aristote, comme il est toujours considéré comme l'élève de Platon, il est représenté comme plus jeune. Il a les cheveux courts et il a une barbe courte. Ouais, mais ils ont quand même de la barbe, tu vois. Ah bah oui, parce qu'il faut pas déconner. Ah bah pour avoir une grosse barbe, faut la commencer jeune. Hein. Le prix d'un barbier à l'Antiquité. Voilà. Mais du coup, là, de ce que vous me dites, le Père Noël, c'est un vieux sage, quoi. Ah, il y a un peu de ça, ouais. Un peu. Je pense que c'est un peu la caractéristique du vieux sage. Ouais, et le vieux sage, c'est un peu un grand-père, quelque part. J'ai l'impression qu'on peut dire ça, quoi. Il a une tête de grand-père, le vieux sage. Il y a toujours la voix qui est un peu genre « ho, ho, ho », comme ça, tu vois, sur les vieux sages. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques? Moi aussi, si on reprend Merlin, ok, il est très vieux, il a une longue barbe blanche, des cheveux longs blancs. Il a aussi les fringues qu'il a, quoi. Souvent, on voit directement son côté loufoque. Il a un grand chapeau, il a une cape un peu bizarre. Enfin, il n'est pas habillé comme tout le monde non plus, quoi. Les fringues vont souvent avec le côté barbe et cheveux, quoi. Ouais, soit t'as un chapeau, soit t'as des espèces de grosses robes un peu ésotérique, un bâton. Enfin, il y a tout le. C'est vrai qu'il y a un peu une panoplie, quoi. Ouais, c'est ça. Après, pour l'instant, tout ce qu'on dit, ça peut aussi être s'appliquer à un mec un peu fou dans la rue qu'on croise et qui demande si on n'a pas de l'argent pour de la bière. Mais... Ouais, mais au fond, il y a un petit peu dans le stéréotype du sage, il y a aussi un peu le stéréotype du vieux fou qui est tout de suite lié au vieux sage. Ouais, tout à fait. Tout se passe comme si la sagesse allait un petit peu avec la folie. Merlin, clairement, il y a des aspects hyper fous. Ouais. Et il y a aussi un côté pauvreté, non? Vous trouvez pas? Un côté... les mecs, ils sont pas bling-bling et ils sont pas extravagants dans leur richesse. C'est une richesse intérieure de la sagesse. Et à côté, ils vont délaisser le matériel et donc s'habiller avec des fringues un peu nazes, etc. Ouais, ça, c'est le côté ermite. C'est peut-être pour ça qu'ils ont des longs cheveux, des longues barbes, parce qu'ils font pas attention à leur apparence, parce qu'ils laissent tout pousser, quoi, c'est naturel. C'est des va-nu-pieds, on peut le dire. C'est des va-nu-pieds. Ils sont pas dans la Startup Nation parce que eux, ils sont occupés à réfléchir, quoi. Ils ont pas le temps d'aller chez le coiffeur et de s'acheter des ceintures Calvin Klein, quoi. Ouais. C'est vrai, genre, Gandalf, il faut attendre quand même pas mal de pages avant qu'il nettoie ses vêtements. Juste ça. Et avant, il avait des vêtements tout gris, dégueulasses. Un jour, il dit bon, je vais aller à la laverie, je reviens. Après, hop, Gandalf le blanc. Mais il prend pas trop soin de lui, quoi. Non, mais c'est un truc très philosophique aussi, non? Parce qu'il y a, je sais plus comment il s'appelle, ce philosophe français là, qui laissait pousser ses ongles. Parce qu'il BHL. Disait, de quoi? BHL, il s'appelle. Bernard-Henri Lévy. Non, mais c'est Deleuze, non? Ah ouais, ouais. Qui laissait pousser ses ongles parce qu'il disait moi je suis un intellectuel, j'ai pas à travailler de mes mains, etc. Et c'est un peu, ça rejoint aussi un peu ce côté-là, non? C'est parce qu'il griffait ses élèves quand ils avaient zéro, c'est pour ça. Je voudrais juste clarifier un truc, il y a que Deleuze qui fait ça. Hein. C'est pas caractéristique du philosophe que de se laisser pousser les ongles. Au CAPES, il y a pas une mesure d'ongle à l'oral? Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, effectivement, il y a Gandalf qui est un peu l'opposé, Gandalf et peut-être Dumbledore, qui sont des combattants, quelque part. Mais sinon, il y a quand même le côté, c'est des érudits qui n'ont pas un physique à aller se battre ou quoi que ce soit. L'aspect, juste pour revenir sur l'aspect sur le corps, chez les philosophes, on a quand même un type qui s'appelle Plotin. Ah, j'allais en parler. Qui est un néo-platonicien, où lui, tout ce qui concernait le corps, globalement, il trouvait que c'était de la merde, pour aller très très vite. Hein. Et il y a une légende parmi les élèves de Plotin qui raconte que ses élèves se tenaient assez loin de lui parce qu'il ne se nettoyait pas et il puait globalement la mort. Ok. Parce qu'il méprisait tout ce qui était corporel. Donc bon, ça, c'est de la philosophie totale, ça. Ça, ouais, c'est ça. C'est ça. J'étais encore sur le truc des ongles, pardon. J'imaginais comme les flics qui rendent leur badge et leur gun. Et quand t'arrêtes la philosophie, on te coupe les ongles. Non, mais du coup, pour revenir, ouais, il y a une sorte de dépouillement aussi du sage. Le sage, c'est celui qui a pas besoin d'être en costume trois pièces, costume cravate. Genre, tu mets Dumbledore en costume cravate, non. Enfin, c'est pas possible. Ouais, ça, c'est un côté ça un peu ermite, pas, moine un peu, quoi. Un peu hérité de la chrétienté, je pense. Franciscain. Même chez les philosophes grecs, on a ça. Chez les philosophes grecs, on a ça. Hein. Socrate, il est décrit comme étant plus ou moins une sorte de clodo au niveau vestimentaire. Il s'habille pas comme les autres, etc. Ouais, c'est ça, vu qu'ils se détournent du monde matériel et des trucs un peu mondains, quoi, ils sont ailleurs, ils sont un peu dans la lune, hein, on peut le dire. Du coup, ils se fringuent n'importe comment et c'est un peu des clodos, quoi, effectivement. Là, je pense, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques essentielles de vieux sage que vous avez en tête? En termes physiques, tu veux dire? Parce que là, on a fait que du physique, en fait. Ouais, en termes physiques, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y a les lunettes, parfois, un peu. Ouais, c'est vrai, pour aller avec le côté intelligent, les binoclars. Et puis vieux, encore une fois, tu vois moins bien, donc t'as besoin de lunettes. Tu vois. Ah oui, c'est vrai. Aussi des petits problèmes de peau qui vont avec la vieillesse, hein, je crois, parfois. C'est vrai que le déambulateur, parfois. Ça serait génial. En plus, il pourrait avoir un déambulateur avec 4 cannes magiques, quoi. Il y a plus d'aucune. Ça serait super. Non, mais je crois que niveau physique, on a la panoplie de vieux sages. Hein. Si vous voulez faire un cosplay, là, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de nous, les gens, pour faire ça, mais oui. Voilà. Du coup, il y a peut-être d'autres caractéristiques plus intellectuelles. La première qui me vient en tête, c'est que le vieux sage, il est énigmatique. Il parle en énigme, quoi. C'est vrai. L'exemple le plus parlant, c'est Yoda. Je ne sais plus comment s'appelle la figure de style. Les hyperbates. Ça, ça s'appelle les hyperbates. Ça, c'est des poissons panés, ça, Steven. C'est les gros poissons panés, les hyperbates. ok, donc des hyperbates, on l'appelle parfois hyperbatman. du coup, Yoda, la figure de style de l'hyperbat, c'est de déplacer les parties de la phrase pour que ce soit pas dans l'ordre sujet verbe complément, mais complément verbe sujet ou truc comme ça, quoi, pour faire un peu le malin, quoi. Comme ça, vu qu'ils sont tellement loin dans le game de la réflexion, on peut pas les comprendre. Faut qu'ils parlent en énigme parce qu'ils sont sages. Du coup, ils peuvent pas parler comme nous, quoi. Ouais, clairement, il y a le côté tout le mystère du vieux sage qui a une sagesse particulière qui est pas forcément accessible à tout le monde. Donc, ouais, c'est ça. Même sa manière de parler, elle est pas accessible parce qu'en fait, il sait tellement de choses que il nous dépasse. Un peu comme le roi Enoch. Il y a peut-être aussi un aspect narration de effectivement pas confondre le vieux sage avec le vieux clodo. Et donc, faut qu'il parle par énigme histoire de vraiment se détacher le vieux clodo. Du... si tu sors vers 22h, tu le reconnais pas non plus. Il a l'air d'être vachement... Il fait des hyperbates aussi, tu vois. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a deux... c'est quoi, enfin, il y a la sagesse, quoi. C'est quoi, est-ce qu'on en... qu'est-ce qu'on a? Le vieux sage est sage, ça c'est bien. Ça, ça les gens, ils l'avaient pas vu. Prenez des notes chez vous. Voilà, le vieux sage, son attribut essentiel, c'est la sagesse. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit dans les histoires? Qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils montrent qu'ils sont sages? Moi, j'ai l'impression que pour aller avec le côté expérience, ils ont tous un peu connu un genre un drame dans leur vie, qui est souvent en lien avec l'histoire générale, le méchant, etc. Et du coup, ils ont survécu à ça. Ils sont devenus... quelque part, ils ont été blessés, mais ils sont aussi devenus plus forts. Et ils veillent aussi à ce que la personne à qui ils enseignent leur sagesse ne fasse pas cette erreur-là pour devenir plus sage. Je ne sais pas si vous voyez ce... Non, tu as grave raison. Souvent, en fait, tu peux prendre Obi-Wan ou qui tu veux. Ouais, ils ont souvent, dans leur passé... un lien avec l'histoire du héros, genre ils ont fait des trucs qui ont un rapport avec ce que le héros va devoir faire, mais il y a longtemps. Ce qui permet aussi de... Là, on parle un peu des intérêts narratifs, mais du coup, ça permet eux qu'ils puissent renseigner le héros, quoi, lui donner des pistes et tout, sur ce qu'il va devoir faire. Et souvent, c'est un drame quand même. C'est souvent un truc qui les a marqués, qui les a touchés, et qui peut-être, parfois, peut être la raison pour laquelle ils se sont exilés et devenus un peu ermites, sages, etc. Ouais, tout à fait. Ils ont vu des vertes et des pas mûres. Je veux te dire qu'en 97, c'était pas pareil, c'est sûr. Ah oui, on n'avait pas encore gagné la Coupe du Monde. Donc forcément, voilà. Après, je pense, il y a cet aspect peut-être au niveau narratif où il y a eu un drame, etc. Mais surtout, la sagesse propre, elle est, comment dire, il y a un côté qui s'oppose un peu à l'érudition, même si en général, le sage est un érudit, c'est-à-dire qu'il sait énormément de choses. Mais c'est pas dans l'accumulation du savoir qu'il est sage. C'est dans le fait qu'il a compris ce qui était important de comprendre. Mmh. Genre il a pas appris tout forcément parce qu'on s'en fout un peu, mais il a appris genre ce qu'il fallait apprendre. Il a appris ce qui. Non, c'est vrai, tu vois. Il a appris le truc important qui fait qu'après il peut donner un éclairage à tout le monde, quoi. Et d'ailleurs ils ont rarement appris. Par des études ou des cours, etc. Ils ont appris par la vie, quoi, par l'expérience. Et c'est ça qui leur a donné la leur méditation sagesse. Aussi, peut-être. Ouais, peut-être mais ils ont aussi. Et tu vois, c'est l'opposé de l'érudit, justement, qui a fait des grandes écoles, universités, je ne sais quoi. Ils n'ont pas fait l'ENA, quoi. Mais non, mais même à des époques médiévales, tu vois, tu peux imaginer des gens qui sont des penseurs, des théologiens, etc. Bah, le sage, il a plus un côté. Sagesse un peu populaire de savoir ce que c'est la vie et ce qui est important, tu vois. Tu dis Saint Thomas d'Aquin, c'était pas un vieux sage. C'est ce que tu dis. Tu critiques Saint Thomas d'Aquin. Je crois que Steven, il est pas d'accord parce qu'il a un buste devant lui de Saint Thomas d'Aquin et il est pas content. Non, mais n'importe quoi. Mais tout simplement, je pense que ils peuvent avoir de l'érudition. Si tu regardes toutes les grandes figures, ils sont hyper érudits quand même, les sages. Ils peuvent, tu vois, c'est des sortes de MacGyver du monde. Ils peuvent te dire, oui, non, mais ça, oui, c'est... regarde dans tel bouquin, il y a la formule, etc. Mais surtout, tout se passe comme si bah, cette sagesse-là, cette érudition-là, elle était à la fois nécessaire, mais pas suffisante. Voilà, je dis des concepts philosophiques comme ça. C'est pas suffisant pour être un sage. Il faut un truc en plus pour être un sage. Avoir lu tout l'encyclopédie Larousse, ça ne suffit pas à atteindre la sagesse. Il faut une sorte d'épreuve initiative. Attends, quoi ? Tu me sais maintenant ? Je suis à la lettre M, Steven. Non, mais c'est nécessaire, donc continue. Et une fois que tu arrives à la dernière lettre, tu médites et tu recommences. Waouh! Voilà, c'est comme ça. Bah, c'était ça le secret de la sagesse. Je voulais pas le livrer, j'ai pas le droit de le livrer normalement, mais je l'ai livré. Merde! Tu te coupes les ongles direct, Steven. C'est dans l'axe 1 en plus, c'est dommage. Ouais, je pense que je vais me faire rattraper par les druides de ma communauté. Non, mais t'as raison, il y a. La sagesse, c'est pas tout ce que tu sais, c'est. Comment tu le sais, quelque part, j'ai envie de dire, même si c'est pas très français. Non, mais tu vois, il y a le truc de Socrate qui dit qu'il sait pas grand-chose, parce que c'est pas comme quelqu'un qui connaîtrait plein de choses. Lui, il dit, bah, je sais pas grand-chose, mais en gros, je sais ce qui est important, quoi. Et dans une autre figure, qui est par exemple la figure du Bouddha, il apprend tout ce qu'il peut connaître, mais pas en termes de quantité, quoi, en termes de des vérités essentielles qu'un être humain peut connaître, quoi, qui lui sont révélées. Donc le vieux sage, il apprend pas n'importe comment, quoi. Ouais, et c'est sûr. Ça. Il y a pas une méthode. Il communique ce savoir. Ouais, tout à fait. parce que je pense qu'il y a quasiment aucune œuvre de pop culture qui est basée, enfin, dont le personnage principal est le sage. En fait, il est aussi sage parce que parce qu'il a un personnage, le héros, à qui il donne ses enseignements, quoi. Ouais, t'as raison, là on rentre un peu dans l'intérêt narratologique, son rôle dans les histoires. On peut citer deux œuvres assez importantes, quoi, très critiquées. L'homme aux mille et un visages en français, là, de Joseph Campbell, l'histoire du monomythe. C'est du coup, en gros, un mec qui a écrit un bouquin pour dire qu'il y avait que tous les mythes de l'humanité, ils suivaient un même schéma, une même trame. Y a beaucoup de gens qui disent que c'est n'importe quoi et que c'est très ethnocentré. Mais lui, il l'a dit quand même. Et ça a été repris par un autre gars, un scénariste, qui s'appelle Christopher Vogler. Qui a écrit le voyage de l'écrivain, je crois, The Writer's Journey, où lui, il reprend un peu ce qu'a fait Campbell pour l'appliquer au scénario. Et dans ces deux trucs-là, il y a le passage où le mentor, il aide le héros, il lui apprend des choses pour l'aider dans l'aventure, quoi. Il sert, du coup, comme tu as dit, à enseigner, à faire un peu d'exposition du monde, éventuellement à révéler un secret qui peut aider le héros à avancer, comme du coup, il y a un rapport avec le passé du héros, etc., quoi. Donc ouais, t'as raison, il y a... Tout ce qu'on dit, ça se retrouve là-dedans, en fait. Bah, du coup, on peut dire que oui, du point de vue de la fonction, très souvent, le sage va avoir fonction de mentor. Ouais, c'est-à-dire la fonction de celui qui vient éveiller le héros au monde ou lui apprendre quelque chose d'important sur le monde. Ou mentor sur soi, qui était donc le précepteur de Télémaque, le fils de Ulysse. Ouais, dans l'Odyssée, le mot vient de là, mais en vrai... Mentor, c'était Athéna déguisée en mec. Donc la déesse de la sagesse. Exactement. Et voilà, tout est lié. Tout est lié, c'est une émission qui est quand même bien écrite. Hein. On a bien fait de prendre 3 ans pour l'écrire. J'ai un peu du mal, moi, à suivre toutes les phrases que j'ai à dire, mais c'est bien de scénariser l'intégralité de l'émission, vous avez raison. Mais t'avais pensé à mettre des petits fluos sur des lignes? Ah merde. Bah, attendez, je reviens, je vais chercher mon stabilo. Mais, et du coup, si on... Donc, le vieux sage, c'est une figure particulière de la fonction du mentor dans les histoires. Et le rôle de base du mentor dans les contes de fées, c'est de donner des cadeaux aussi, en plus d'enseigner. C'est, tu vois, dans les contes, genre Marraine la Bonne Fée et trucs comme ça, où il donne des cadeaux pour que des armes, quoi, magiques, pour que le héros il puisse avancer, quoi. L'enseignement, ça peut être un cadeau aussi, mais de base, si tu prends le rôle vraiment basique, la fonction basique, c'est donner des cadeaux, quoi, dans les contes, souvent. Genre des anneaux magiques. Ouais, et l'enseignement, ça peut être une arme aussi. Ouais, et le savoir est une arme. D'ailleurs, un propos, comme le dit quelqu'un. À ce propos, il y a un truc assez intéressant dans le Merlin l'Enchanteur de Disney, où en fait, la structure, elle est assez chelou, hein, la structure de ce Disney-là, parce que tout le film raconte l'apprentissage d'Arthur. Et Merlin apprend des trucs à Arthur. D'ailleurs, il lui apprend des trucs, mais il charge aussi essentiellement le hibou qui est avec lui d'apprendre des trucs à Arthur. Ouais, Archimède, qui est aussi un vieux sage. En fait, il y a deux vieux sages, quoi, un petit peu. Ouais, il y a un double, deux mentors et deux vieux sages, un petit peu, dont un est un hibou, comme assez souvent chez Disney. Et il lui apprend tout ce qu'il doit connaître. Et à la fin, Arthur retire l'épée simplement parce que c'est magique, c'est Arthur qui doit retirer l'épée. Donc, il y a un truc comme si la connaissance était quand même un truc essentiel, même si je pense que Merlin sait très bien que, quoi qu'il arrive, Arthur, il va retirer l'épée. Il faut quand même qu'il apprenne tout un tas de choses, et c'est le rôle du vieux sage, là, de lui apprendre tout ce qu'il y a à connaître. Pour être un bon roi, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est, de toute façon, c'est ouais, Merlin, Disney, il est bien, de s'animer, et du coup, en plus, c'est la figure basique du vieux sage, Merlin. Vieux sage qui, ici, se confond quand même, et se confond très souvent avec... un autre archétype qu'on pourrait distinguer, qui est celui du vieux magicien ou de l'enchanteur. En soi, on pourrait distinguer le magicien du sage, mais très souvent, les deux se recoupent beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu vois, tu prends Saruman, c'est un vieux magicien ou un vieil enchanteur, il est pas sage. Ouais, mais justement, il y a un truc souvent les... Je sais pas. Tout à l'heure, Ilandros, il disait que... Je sais plus ce qu'il disait, en fait, mais ce qu'il me dit, c'est que les sages, souvent, ils n'ont pas la position de pouvoir. Ils sont là pour enseigner, c'est ce que disait Alexis. Et quand ils veulent prendre le pouvoir et se mettre au centre, ils sont corrompus. Saruman, il cherche le pouvoir. Du coup, c'est plus un vieux sage. Il reste pas à sa place de vieux sage. Est-ce que ça a été un sage ? Parce que c'est pas juste un enchanteur. Bah, de base, c'est lui qui est chef de l'ordre de base, il est sage. Ouais. Ouais, chez Tolkien, dans les écrits, il est plutôt sage. Hein. C'est écrit dans les livres. Ah, c'est écrit dans les livres. C'est écrit en dans latin. Les livres. Hein. Ah, ok, il y a eu Alain Soral et Jean-Luc Goldman qui se sont télescopés. C'est la même personne. Attends, c'est Alain Soral, c'est Jean Goldman sans le toupet. Qui parle plus souvent. Je pense aussi que l'aspect magique du vieux sage, il est présent un peu, pas seulement dans la culture populaire, mais aussi dans toute l'image qu'on a du vieux sage. Même à l'Antiquité, on a l'image du vieux sage comme ayant une sorte de, comment dire, de savoir un peu cosmique, comme s'il était lié au monde en soi, qu'il était capable de sentir les perturbations dans la force. Souvent, quand on a des descriptions comme ça hein, chez les philosophes grecs, où le sage, qui est toujours, déjà, qui est toujours annoncé comme étant un événement très rare. Hein. Les sages ne sont pas pléthores à l'Antiquité. Les stoïciens disent qu'il y en a peut-être un, peut-être qu'il n'y en a même pas. En général, on dit c'est Socrate, mais peut-être qu'il n'y en a pas d'autres. Les épicuriens ont dit bah c'est Épicure, et Épicure lui-même a dit bah c'est moi. Mais à part ça, il y en a pas beaucoup, et on le décrit souvent ouais comme quelqu'un qui a cette connexion très étroite, au monde, qui fait qu'il est capable de ressentir le monde. Il a un rapport au monde en fait particulier. Ouais, et je pense que ça se retrouve avec la figure de Chiron, je crois qu'il s'appelle, c'est ça, le centaure. Lui c'est le mentor de plein de héros grecs, et c'est un centaure du coup mi-homme mi-cheval. Et justement, le côté chevalin fait qu'il a un rapport avec la nature, quoi. Il a, du coup, il est plus proche du cosmos, de la nature, de l'univers que d'autres, parce qu'il peut plus ressentir, il a plus un instinct. Et c'est lui qui a formé Achille, Hercule, etc. Et justement, il a formé plein de héros. Je sais pas si c'est un vieux sage, en tout cas, c'est clairement un mentor. Et du coup, il y a ce côté lui aussi très naturel, quoi, in sync avec l'univers. Bah, être un peu plus proche de chez nous, il y a la version druide, en fait. Qui sont les sages historiques un peu de notre pays, on va dire. On rappelle que Analep a sorti une vidéo sur les Gaulois, bien sûr. Exactement. Tu sais, maintenant, il met des jalons pour qu'on le fasse nous-mêmes, pour qu'on ne suive pas leur projet. Je suis fort. Hein. Putain, il y a le vieux sage et il y a le vieux roublard aussi, là. Ce sera un prochain épisode, ça. Non, mais effectivement, les druides, c'est un peu l'archétype des sages connectés à la nature. Et d'ailleurs, pendant toute l'histoire de la France, on a partagé cette image traditionnelle et d'ailleurs en partie fausse du druide dans la forêt avec sa serpe en train de cueillir des trucs pour faire ses potions. Enfin voilà quoi, le truc un peu cliché mais qui résume bien ce côté lien sagesse nature quoi. Ouais, et il y a aussi l'image très répandue dans le monde du chaman. Alors les chamans c'est très différent selon les cultures. On peut pas dire qu'il y a un rôle de chaman, mais c'est aussi parfois ils sont guides et ils vont ils entrent en transe pour avoir des informations liées à d'autres mondes, que ce soit le monde des rêves ou le monde de l'au-delà, etc. Ce sont les religions différentes dans lesquelles ils interviennent, mais du coup, eux aussi, ils sont là pour, après, parfois, guider leur communauté à fonction de ce qu'ils ont appris en étant en lien avec l'univers. Quoi. Et dans la pop culture, on a clairement ça, en fait. Quand tu vois Gandalf, il y a des moments où il se promène dans la forêt, et puis d'un seul coup, il a une sorte d'intuition bizarre qui ne s'explique pas. Dumbledore, on a ça aussi. Les Jedi avec la force, c'est ça. En fait, ils ressentent le cosmos en eux, ils ressentent l'univers en eux. Et c'est cette figure en fait, de la sagesse qui est connectée directement avec le monde sous une modalité que nous, on ne peut pas comprendre et que le héros ne peut pas vraiment comprendre. On se dit, bon, qu'est-ce qui branle à partir comme ça? Il a un truc important à faire, il vient de s'en souvenir. Mais il n'avait pas une alerte sur son téléphone, quoi. C'est dans son cœur qu'il le ressent. Wow. Et c'est pour ça que c'est aussi nul les midi-chloriens dans Star Wars. Quoi. Parce que on passe d'un truc connecté sixième sens à un truc dans ton sang. Quoi. C'était peut-être pas très pertinent. Qu'est-ce qui nous resterait à dire selon vous sur les vieux sages? On a vu là leurs caractéristiques physiques, mentales. On a vu que c'est une fonction importante pour la narration. Il y a quelques cas différents. Ah ouais? Comme qui par exemple? Je sais pas, je vois sur le conducteur. Non, avant de passer à ce truc de cas différent, je voulais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Moi, j'allais demander à Alexis si, vu qu'il y avait une figure du druide dans la culture française, est-ce que, à ton avis, aujourd'hui, il y avait encore des gens qui étaient un peu considérés comme des druides? Par exemple, Jacques Lang, est-ce que c'est un peu le druide des années 80? Non, je pense pas. Ok, c'est une question ouverte, hein, les gens peuvent répondre. Mais en tout cas, les communautés druidiques existent toujours en Bretagne. Vous pouvez en trouver des mecs qui vont le dimanche dans les forêts et tout. Hein. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, et c'est important. Il y a deux choses que je voudrais dire. Ouais, premièrement, le fait que le sage, il y a l'idée d'une expérience, d'un apprentissage, etc. Mais surtout, il y a un moment où il devient sage. C'est pas comme si on est plus ou moins sage, etc. On devient sage un peu d'un seul coup. Je sais pas si tu veux dire, je comprends. Le vieux sage, au début, il est pas sage, après il devient sage. Bah, je pense que c'est ça, ouais. Bah, en fait, le vieux sage, souvent, c'est un ancien héros aussi. C'est-à-dire que c'est, en gros, c'est un peu le résultat, c'est un peu ce que deviendra le héros si il survit à sa quête et qu'il continue sa vie de héros. À la fin, il deviendra un vieux sage. Souvent, c'est ça, non? Ouais, je pense qu'il y a de ça. Mais il y a surtout l'idée que, d'un coup, tu vois, tu acquiers la sagesse. Genre Gandalf, avant le Balrog, bon, il est sage, mais pas ouf. Et après le Balrog, ça y est, c'est un super sage. C'est ça que tu veux dire? Ouais, comme si c'était une sorte de niveau où t'as débloqué le dernier niveau et hop, pouf, ouais. Tu deviens genre un sage. Genre t'as une épreuve dans ta destinée et paf, tu deviens sage. Ouais, une épreuve ou je sais pas quoi, hein, peut-être. Mais une souvent, phase nous, de les, méditation. Les vieux sages, on les retrouve après leur épreuve. C'est assez rare que. Enfin, ça arrive, mais. Qu'on voit leur épreuve, non? Nous, qu'on suive vraiment. Je suis d'accord que souvent, ouais. Ils sont déjà ouais. sages. Ou alors après, tu fais un préquel où là, du coup, tu vois la jeunesse du sage, quoi. Ouais, c'est souvent dans les préquels, du coup. Ouais. Mais tu vois, par exemple, dans Stargate, parce que je vais parler de Stargate, les anciens qui sont les figures des sages, voilà, de l'antique sagesse, d'une civilisation, en fait, précédant la civilisation des êtres humains, ouais, c'est les qui Grecs, sont quoi. Devenus des sages, eh bien, il y a ce moment d'ascension, en fait, où il y a eu toute une phase de préparation, mais il y a surtout cette phase de l'ascension où d'un coup, ils sont devenus pure énergie. Et je crois qu'on a ça aussi dans pas mal de... Bah, à l'Antiquité, il y avait vraiment cette question de est-ce qu'on peut devenir sage, sachant que le sage n'est pas susceptible de degré, c'est-à-dire on peut pas être plus ou moins sage, soit on est sage, soit on ne l'est pas. Donc comment est-ce qu'on le devient? Et dans, bah, je sais pas, le Bouddha, par exemple, devient véritablement sage après un éveil particulier. Il y a cette idée d'une sorte d'élément déclencheur, quoi. Voilà. Ouais, après, dans la mythologie bouddhiste, il a des épreuves, il est testé, etc. Bouddha, ça lui vient pas comme ça, tu vois. Mais je crois qu'après, justement, ça c'est une question un peu théologique, parce qu'il y a des écoles bouddhistes qui s'engueulent pour savoir si l'élimination, c'est immédiat ou graduel, en fait. Donc, c'est une question un peu compliquée, peut-être. Mais je pense aussi c'est pour ça qu'on ne voit pas vraiment la transformation en sage, parce que c'est comme s'il y avait un truc un peu de l'ordre de l'inexplicable. Et si tu décris véritablement comment le grand schtroumpf est devenu le grand schtroumpf, bah tu perds un petit peu cette ouais. aura. Mais un jour ils le feront, ils feront un préquel où à la fin du film tu verras le grand schtroumpf mettre son bonnet rouge. Ce serait trop bien. Il y a un autre truc qu'on pourrait voir aussi dans la question de la sagesse. Ouais, je vous emmerde. Je suis là pour faire une émission, moi, pour dire des choses. Ouais. vas-y. C'est le rapport au bien. Moi, il y a un truc qui m'a un petit peu intéressé là dans la préparation de l'émission, c'est de voir que à l'origine, le sage, c'est celui qui recherche le bonheur avant tout. Que ce soit le sage grec ou le sage bouddhiste, il est là pour rechercher le bonheur, pour rechercher une sorte d'accomplissement personnel. Et aujourd'hui, dans nos figures de pop culture du sage, les sages, ils ont une sorte de mission, je sais pas, de faire triompher le bien en fait sur Terre contre les forces du mal. Et ça, c'est une sorte d'ajout qu'on n'avait pas véritablement à l'Antiquité, mais on a cet ajout de dire bon bah maintenant, en gros, le sage, c'est celui qui va guider une armée ou des gens ou des élus sur le chemin du triomphe du bien. Ouais, c'est un peu plus prosaïque, quoi. Ils ont des objectifs un peu plus clairs, quoi, plutôt que le bonheur. Et plus bah, manichéen, ouais, surtout. Ouais, très manichéen. À l'origine, bon, le sage, il est imperturbable. Il est souvent décrit, d'ailleurs, comme imperturbable. Le monde peut s'écrouler, le sage, il s'en fout. Il a tellement atteint son stade de sagesse qu'il sera éclaboussé par les débris du monde sans vaciller. Et puis surtout, il a compris que séparer le monde entre bien et mal, c'était illogique, quoi. Que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et que donc c'est aussi cette sagesse-là qu'il a... possède. Ouais, c'est ça. Et alors que aujourd'hui dans la pop culture, sans doute avec une influence chrétienne pour l'Occident, il y a cette idée du le bien, c'est pas un bien pour soi, c'est une sorte de bien collectif, et c'est un bien pour le monde. Donc le sage, il va être un peu la figure qui guide le camp du bien contre le camp du mal. Après, c'est peut-être aussi un côté obligatoire d'une œuvre culturelle qui est destinée au grand public, tu vois. Enfin, ouais, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre du culturel, bien sûr, ouais, que possible, oui. Possible. Mais par exemple, tu prends l'Iliade et l'Odyssée, est-ce qu'il y a vraiment un camp du bien contre les forces du mal? Ouais, c'est vrai. Pas véritablement. Alors que si tu regardes aujourd'hui comment sont transformées les figures antiques, par exemple Hadès, Aujourd'hui, on le représente sous les traits plus ou moins de Satan. Tu prends Hercule, Hadès, c'est le mal absolu, c'est Satan, etc. À l'Antiquité, Hadès, c'est pas Satan, c'est pas le mal. C'est le mec qui gère les morts, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une figure qui est beaucoup plus neutre. Et aujourd'hui, on a quand même un truc. On a quand même un truc très séparé entre le bien et le mal, etc. Et puis il y a Gandalf qui vient essayer de faire en sorte que le bien triomphe. Ah bah oui. Oui. De toute façon, Gandalf, c'est un peu Jésus, quoi. On peut le dire. Il ressuscite, il est blanc, il est sympa, clairement, quoi. Et il y a toujours et les vieux sages. De toute façon, maintenant, je crois que Steven t'avait dit ça pendant la préparation. Hein. C'est tous un peu Jésus maintenant, les vieux sages. Ouais, je pense qu'il y a un côté comme ça sur l'iconographie et sur le côté aussi le triomphe du bien, etc. Donc super. Donc, c'est vrai. Nos livres et nos films, on nous met des Jésus partout, quoi. Ah, super. Après, je sais pas parce que Jésus, il est mort à 33 ans. Est-ce que vraiment, on est un vieux sage à 33 ans? Ça dépend. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça se discute. Là, on a parlé de la figure du vieux sage, qui est un cas particulier de la fonction du mentor, parce que si tu auras des trucs de scénariste, le mentor, ça peut être plein d'autres trucs. Ça peut être Jiminy Cricket, qui est pas un vieux sage, ça peut être... c'est plein de choses. mais du coup, ce qui nous reste à voir, c'est que parfois, il y a des personnages qui sont sages, mais qui sont pas des vieux sages. Par exemple, prenons un personnage qui est Columbo, il est sage. Il est assez réfléchi, il fait pas les choses n'importe comment, mais c'est pas un vieux sage. Et il y a plein de personnages dans la pop culture qui sont des sages, enfin qui sont sages sans être des vieux sages. Et peut-être cette opposition là, elle nous permet de bien confirmer tout ce qu'on a dit, quoi, de voir que le vieux sage c'est vraiment un rôle particulier et pas juste quelqu'un qui réfléchit, quoi. Parce que il y a d'autres exemples comme ça de personnages qui sont sages sans être des vieux sages. Moi, je pense l'exemple qui m'est venu, c'était surtout l'idée un peu d'une sagesse paysanne, genre Sam Gadgee, il est sage. Ouais, c'est vrai. C'est le mec qui est sage, qui va dispenser quelques conseils de sagesse, mais jamais de la vie. C'est le vieux sage qu'on va venir consulter dès qu'on a un problème. Ouais. Tu vois, ouais, c'est juste à un moment, il va dire un truc sensé, tu vois. Tu te dis, ouais, il a peut-être raison. Mais on l'écoute pas parce que c'est Sam Gadgee. C'est une sagesse un peu populaire aussi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a vraiment cette sagesse. Ouais, de toute façon, il parle populaire. En proverbe, Sam. Donc, ouais, c'est ça. Comme disait l'ancien, il arrête pas de dire ça tout le temps, quoi. Bon, Sam Gadgee, c'est un adorbant, de toute manière. On a des personnages qui peuvent parfois dispenser des traits de sagesse, des images de sagesse populaire ou des dictons, etc. Mais ils n'ont pas ce truc. Et déjà, ils n'ont pas ce truc de connexion directe à tout le cosmos. Ils n'ont pas de barbe. Ce qui est peut-être la raison de la connexion au cosmos, tu vois. Un petit peu comme les cheveux des avatars dans Avatar, où ils se connectent directement au cosmos. Bah, peut-être. Peut-être que la barbe est une sorte de bit intellectuel. qui se connecte directement au cosmos, je ne sais pas. Je pose. Waouh! Alors, notez bien, vous qui vous prenez des notes en faisant la FK, notez bien cette phrase pour la ressortir, bien sûr, à la fin, quand on fera interrogation à la fin. On fera un petit interro. Non, mais pareil, en bande dessinée, par exemple, dans Watchmen, t'as typiquement le docteur Manhattan ou Ozymandias qui ont chacun un peu leur trait de sagesse différent. Mais qui sont pas non plus l'archétype du vieux sage, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, même Daniel Jackson dans Stargate, il est sage, mais c'est pas un vieux sage. Et ça le devient peut-être un peu après, parce qu'il devient un ancien, il s'élève, mais tout le reste de la série, c'est juste le personnage un peu plus raisonné. Mais pourtant, ça reste il est égaux aux autres, en fait. Il a pas une position de supériorité. Ouais, voilà. Après, on a aussi beaucoup d'autres figures dont on reparlera plus tard. Mais si on prend, un peu toutes les figures. Genre les arbres, souvent les arbres, il y a une sorte d'archétype de l'arbre sage, que ce soit dans le Seigneur des Anneaux, les arbres. Ouais, les Ents, Silverbarbe, ouais. Voilà, il y a une sorte de sagesse des arbres, mais c'est un peu des vieux sages pour le coup, parce qu'un arbre c'est vieux. Ouais, surtout eux. Surtout eux. Il y a une sorte de sagesse des arbres, Steven, on dirait que t'es en train de faire une conférence mystique étrange et que tu viens de ramener dans ta secte. T'es le professeur Raoult, Steven. Bientôt mon podcast avec le professeur Raoult et Pierre Rabhi. Ça sera trop bien. Ça s'appellera Ragout de Rabbit. C'est ouais, c'était pas drôle ce que je lui ai dit. Vas-y. En fait. Est-ce que Charles Xavier dans X-Men, c'est un vieux sage? Je pense. Sauf que c'est un vieux sage avec un rasoir. C'est ça. En fait, c'est chiant. Non, il a des traits de sagesse, mais c'est pas un vieux sage pour moi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Okay. J'ai pas d'argument, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pas le. Il a. Enfin, encore une fois, déjà, c'est un combattant, tu vois. Donc, bon, il en existe aussi, mais. Et puis, il réfléchit pas, comment dire, sur le monde, sur le cosmos, comme tu disais. Il réfléchit sur son. son problème à lui qui est l'intégration de sa communauté dans le reste du monde, tu vois. Je pense qu'il est un peu trop centré sur... C'est plus un activiste, ouais. De toute façon, ils sont basés sur Malcolm X et Luther King, Magneto et Xavier. Donc, ouais, c'est peut-être plus ça, en fait. Ouais, exactement. Après, pour distinguer, Panoramix, c'est un vieux sage. Ouais. En revanche, Astérix, il est sage. Il a une certaine sagesse. Mais c'est pas un vieux sage. Parce qu'il est pas assez vieux. Bah, c'est pas parce qu'on est sage, en fait, qu'on tombe dans l'archétype du personnage avec de la sagesse, quoi. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que, justement, si tout à l'heure on disait le vieux sage, c'est un peu un héros qui a vieilli, Astérix, vu que Panoramix le guide et tout, on imagine que Astérix, s'il vieillissait et qu'il prenait sa retraite, ça deviendrait un Panoramix. Peut-être pas avec le côté potion, mais en tout cas le côté conseil, sagesse, etc. Ouais, ce sera le mec qu'on viendra voir parce qu'il a vu à peu près l'intégralité du monde. Ouais, c'est ça. Et il a vécu à peu près tout ce qu'on pouvait vivre. Un peu comme on va voir le père Fouras. Tu t'es perdu, tu te dis oulala, faudrait que je passe une étape dans ma vie. Tu vas voir le père Fouras, il te donne une clé. Exactement. Parce que lui, il a vu tout le fort. Voilà, c'était ma métaphore. C'est gratuit, je vous la donne. C'est assez étrange parce que maintenant, les vieux sont tellement plus considérés pareil que le vieux sage, c'est une figure tellement ancienne qui garde ses caractéristiques de vieillesse, expérience, sagesse que. Ça détonne, enfin c'est marrant qu'on ait gardé ça dans les œuvres et qu'aujourd'hui les vieux on les considère plus vraiment comme des sages quoi. Enfin, ouais, mais si tu regardes, on les garde comme ça dans quelles œuvres? Dans les œuvres de trucs globalement médiéval, fantasy, etc. Ouais, qui sont un peu conservatrices. Ce stéréotype-là du vieux sage, tu sais, tu l'as pas dans un truc genre dans Plus belle la vie, je suis pas sûr qu'il y ait un vieux sage, je sais pas. ou alors c'est des trucs plus récents mais qui sont genre asiatiques, tu vois. Parce qu'il y a un côté Lorient, on connaît pas trop. Il y a cette côté un Lorient peu mystique. En ce moment, c'est avec le TGV, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est une blague sur Lorient, c'était gratuit. Une blague sur la Bretagne, ouais, désolé. Mais justement, c'est une bonne transition, Alexis, parce que la seconde partie, on va parler de cet autre archétype de vieux sage qui est Monsieur Miyagi, les maîtres de kung-fu, qui sont un autre style de vieux sage. Alors, si Steven a fini son exposé. Peut-être qu'on peut. Bon, j'ai d'autres exposés à faire. Au pire, je mettrai des post-scriptum. Des petits PDF. Des inserts. Pour faire une préface, au pire, au podcast. Ah ouais, moi, je peux faire ça. Je peux faire des préfaces au podcast. Bah, avec plaisir. Je vais faire des préfaces à tous les anciens, de toutes les anciennes FK. Comme ça, on peut les ressortir et dire vous voyez, on sort des épisodes. Waouh. Eh, hey, on a un concept en vrai pour la préface des podcasts, je pense. Ouais, je pense, mais on devrait pas le dire au micro parce qu'il y a des gens qui vont nous le piquer. Et du coup, si on se dirige vers cette seconde partie, on va pouvoir, avant évidemment, la tradition oblige, hein, faire un petit quiz. Ah, j'en étais sûr. Monsieur. Ouais. Quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Alors, on va se retrouver maintenant pour le quiz, hein, le quiz un petit peu obligatoire, quelque part. C'est la sagesse des émissions qui nous a appris qu'il fallait faire un quiz à ce moment-là. Mais par contre, le quiz, je vais pas le faire moi-même, je vais laisser quelqu'un le faire, parce que j'ai un truc à faire, là, vite fait, une petite course. Donc je reviens, je vous laisse avec mon camarade qui va faire le quiz à ma place. C'est nul. Ah, bonsoir à tous. Je m'attendais à une blague comme ça. Alors je suis je ne donne pas encore mon nom car mon nom fera l'objet de la première énigme du soir. Car on parle de sagesse, on parle de mental un petit peu. Je vais vous faire réfléchir moi aussi grâce à mes énigmes. Est-ce que vous êtes prêts, Landro, Steven? Est-ce que vous êtes prêts à réfléchir avec moi-même? Allez, on est prêts. On est prêts. Que ça se termine vite. Alors, la première énigme, c'est pour deviner mon nom, mais ça compte quand même pour un point, parce qu'il n'y a pas de... Eric tout travail mérite point. Alors là, ce sont un peu des charades pour faire hommage à quelqu'un que vous connaissez bien, qui vit dans une tour et qui jette des clés par la fenêtre. Grosse facture de serrurier, mais bon, c'est pas grave, c'est mon cousin qui lui fait. Alors, premier indice, mon indice est le suivant. Les deux la font. Et c'est aussi une marque de fenêtre la très paire. Intéressante. Les deux la font. La paire. Ouais, mais garde-le pour toi, tu réfléchis, tu notes, tu... Premier indice, bah, les deux la font. Je comprends pas le quiz. C'est une charade, tu connais pas les charades ou quoi? T'as jamais fait de charade? Ouais, mais charade, tu connais pas? Vas-y, bon. Continue. Second indice. C'est ce qu'a la jeunesse, c'est comme le courage, mais avec un peu plus d'élan, quoi. C'est l'envie d'avoir envie. C'est... On dit la de la jeunesse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Comme... Ouais. Michel, je crois que je l'ai. Michel M1. C'est son nom de famille. Ouais, ok. C'est fastidieux. Et mon troisième indice, c'est ce sur quoi on est toujours assis, mais en anglais. Ok, moi je l'ai. Et mon tout, et c'est mon nom. Et c'est, bah, incidemment, j'ai envie de dire, le nom d'un petit pain aux olives provençal, voilà. Je l'ai. Ah, Alexis, tu l'as aussi ou pas du tout? Non, moi je l'ai pas. Et bah alors, Steven, qu'est-ce que c'est? C'est le père Fouras. Ah non, c'est pas bon. C'est pas le père Fouras. La père Fougas. Le père Fougas, c'est moi. Donc, mange-toi, je suis le père Fougas. C'est nul. Ah, mais, s'il vous plaît, je n'insulte pas votre patronyme. J'ai un point, du coup. De même. Oui, tu as un point. Et mais tu vas aussi avoir bientôt un point dans la gueule si tu continues à me manquer de respect comme ça. Pourquoi le père Fougas, il a un accent marseillais? Parce que tu ne sais faire que ça comme accent. Alors, je ne sais mais pas. C'est pas Stavro, je ne comprends pas. Oui, je ne sais pas à qui vous vous adressez. Et ouais, c'est pas un accent, c'est comme ça que je parle depuis que je suis tout petit. Donc, voilà. Okay. Donc, j'ai un point là. Tu as un ouais, point. Ouais, j'ai noté. Alors, seconde énigme. Il y a 4 énigmes. Et après, il y a une seconde partie du quiz. Ah, putain. Alors, vas-y. Mon premier est le nom qu'on donne au drapeau quand il est très bas. Ouais. Ou bien le nom qu'on donne à Stéphane aussi, si vous voulez, si c'est pas facile pour vous. Très bien. Mon second, c'est l'onomatopée que font les pirates et les Allemands. Les pirates et les Allemands? Ouais, quand on les imite, on fait des onomatopées. C'est la même pour les pirates et pour les Allemands, si vous réfléchissez un petit peu. Mon troisième, c'est un petit jeune un peu matu vu à qui roule des mécaniques. Et mon tout, c'est un chanteur très musclé. C'est quoi le 3? Mon troisième, c'est un petit jeune un peu matu vu qui roule des mécaniques là, qui fait le beau. Et mon tout, c'est un chanteur musclé. Putain, je l'ai pas celle-là. Bah, c'est un chanteur des musclés, j'imagine, le groupe. Possible. C'est un truc genre Bernard quelque chose, non? Ah ouais, c'est, tu es sur la bonne voie, hein. C'est ça. Le troisième, c'est un petit jeune un peu matu vu qui roule des mécaniques. Comment on appelle ça? Un petit... Non, vous savez pas. C'est un peu dur. De toute façon, Bernard, les musclés, vous savez qui c'est maintenant. Alexis, je l'ai déjà dit. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous parlez? Bernard Minet. Oui, Bernard Minet, exactement. Bernard Minet. Okay. Ah, je dis un demi-point chacun. Parce que là, quand même, vous l'avez fait ensemble. Et parce que j'étais... J'ai eu peur que vous ne trouviez pas ma blague là, j'ai paniqué là. C'était pas la meilleure, c'est sûr. J'espère, ouais. Enchaînons vite alors. Alors, la troisième énigme. Mon premier est une lettre de l'alphabet et un titre de film. Ok. Mon troisième peut sentir mauvais ou bien faire dire au vieux con qu'il faudrait une bonne guerre. Et mon troisième est ce dont certains ne manquent jamais, surtout par ici, hein. Ça, ils en manquent pas. Ou bien c'est comme le premier. Et mon tout, c'est un club d'amis qui partage une vision commune de la France. J'ai un ami dedans d'ailleurs qui s'appelle Charles, il est très, très, très sympathique. Vous voulez que je répète ou ça va? J'ai rien du tout là. Alors mon premier, c'est une lettre de l'alphabet ou un titre de film. Ouais. Ouais, ça je l'ai, je pense. Mon second, il peut sentir mauvais, ou bien, quand on est dans ce temps-là, faire dire aux vieux cons qu'il faudrait une bonne guerre pour remettre un peu les jeunes d'aplomb. Mais c'est quoi? C'est un temps, c'est quoi? Bah le temps, pense, quand on est... Quand les jeux... Quand ça sort des énigmes, c'est un peu plus dur. Pensez, oui, c'est un temps. Le temps, c'est l'inverse de la guerre, quelque part, j'ai envie de vous dire. Ok. Ah, c'est le RPR. Exactement, bravo Alexis. C'est le RPR. Et c'était quoi le 3 déjà? Mon troisième est ce dont certains ne manquent jamais. Ah ouais, putain. Ah oui, bah voilà. Donc RPR, ça fait 1,5 point pour Alexis et 1 point... Et demi aussi pour Steven. Ah ouais, ça montre que vous avez tous les deux le ciboulot qui travaille, ça fait plaisir. Ouais. On est des sages aussi. Putain, on donne de notre personne. Plus que 2 énigmes, courage. Je crois que t'as dit qu'il y en avait 4. Ouais, bah en comptant celle pour eux, mon nom. Ah ouais, donc ça Ok. Alors, mon premier est le seul week-end qui a un prénom. Quoi? Mon premier et le seul au week-end qui a un prénom. Ok. Mon second, c'est le surnom d'Alexandre. Et mon troisième, c'est un mot qui désigne un lien de sang ou bien un lien comme ça quand on l'a. Pascal le grand frère. Et exactement, Montou, c'était un éducateur et les ados difficiles, il connaît. Et oui, c'est Pascal le grand frère, évidemment, bravo. Week-end qui a un prénom, week-end de Pascal, Alexandre le grand. Et frère, t'as pas une clope, voilà. Il est trop fier de lui. Et oui, je suis sûr qu'il était chez lui en train d'écrire ça. Il était trop content. Moi j'ai trouvé ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal, hein. C'est vrai, j'étais plutôt fier de moi quand je l'ai écrit. C'est pas le père Fouras qui ferait ça, lui, l'autre branlot, là. Pas pourquoi on l'a pris lui plutôt que moi, mais bon. Ok, vas-y, continue. C'est les lunettes de soleil et le cigare à la télé, si on n'a pas le droit, c'est pour ça. Attention, dernière énigme. Alors, mon premier vient de la maison du café. Et n'est pas tout ce qui brille. Attends, c'est toujours ton premier, okay. ça c'est le premier, oui. Mon second sert à tenir les sacs et est un prénom allemand. Mon troisième est un légume dégueulasse. Et mon quatrième est ce que font tous les criminels au début. Et c'est encore meilleur quand c'est Florent Pagny qui le fait. Et mon tout salue les parties les plus fragiles de la chaîne. Et mon tout quoi? Salue les parties les plus fragiles de la chaîne. Ah putain. Moi je vais finir avec la boule, je crois. Bah, le premier, ouais, c'est l'or, non? Ouais. Oui, c'est l'or. L'or de maison du café. C'est ça. Ouais, ça on l'avait, ouais. Mon second sert à tenir les sacs et c'est un prénom à la main. Ça, je l'ai pas du tout. C'est une poignée? Non, je sais pas. C'est pas une poignée, est-ce que tu connais poignée, est-ce que c'est un prénom allemand, poignée, imbécile, hein. Allemand du sud. Hans Poignet, je connais un mec qui s'appelle comme ça. Ah, tu me le présenteras, et du coup on va, alors. Qui sert à tenir les sacs? Ah, Hans. Eh oui, Hans. Or, Hans. Mon troisième est un légume dégueulasse, et mon quatrième est ce que font tous les criminels au début, et c'est encore meilleur quand c'est Florent Pagny qui le fait. Et mon tout salue les parties les plus fragiles de la chaîne. Pas compliqué pourtant. Orance, Topinambour. Non, je n'ai pas. Pensez, le quatrième, ils font quoi les criminels au début? Enfin, je connais pas les criminels, ça moi, mais quoi, j'imagine. Ça veut dire quoi les criminels au début? Avant d'avouer, qu'est-ce qu'ils font? Ils nient. Oui, et quand c'est meilleur quand c'est Florent Pagny qui le fait, parce que Florent Pagny nie. Et du coup, vous avez Laurence, vous avez Ni et un légume dégueulasse qui salue les parties les plus fragiles de la chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui salue les parties les plus fragiles de la chaîne? Je comprends même pas la phrase. Mais tu le sauras. Laurence, ouais. Ni. Allez, tu, si l'as, tu le nom. Tu comprends ce que ça tu veut l'as dire. Laurence, Ni. Laurence, légume, Ni. Les gens l'ont déjà chez eux, je suis sûr. Ils ont déjà trouvé bien avant vous. Ils sont beaucoup plus sages. Vous voulez donner votre langue à ouais, moi-même? Je donne ma langue à moi aussi. Ouais. Je l'ai pas. C'est Laurence Boccolini. Elle salue les... Ah la vache. Elle putain. Salue les maillons faibles. Putain, mais t'as pris quoi pour écrire ça? Ah, t'as pris 3 ans dans la gueule, ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que j'ai commencé le quiz en 2017 quand on a fini la fucking kermesse. J'ai bien travaillé, c'est sûr. En 2018, on avait arrêté, je crois. 2018. Peu importe, de toute c'est pas moi qui fais la fucking karma, je sais pas pourquoi je dis ça. Attends, tu vas garder cette voix jusqu'à la fin du quiz. Et la seconde partie du quiz, c'est plus des énigmes, c'est le grand jeu des contraires. Je vous donne des mots et vous devez trouver de quoi je parle en cherchant les antonymes. Par exemple, le grand jeu des contraires, ça deviendrait le petit exercice des synonymes. Oh la vache, je sens que ça va être fastidieux aussi, vas-y. Ok. C'est clair, pour vous, par exemple, on cherche le nom d'un rappeur. L'indice, c'est milieu haut. Milieu haut. Mettez les antonymes, et ça vous fait le nom du rappeur. Milieu haut. Mais c'est Booba ? Eh oui, Booba. Bravo, c'est Booba, bravo Alexis. Ah, Landron, il en a dans le capot, il se gratte la peinture, ça fait plaisir. Putain. Il y en a combien comme ça ? Il y en a encore 2, 3, 4, 5, 6, suffisamment, ouais. C'est-à-dire. Ouais. On cherche le nom d'un écrivain. L'indice, c'est HLM sombre. BHL. Non. Antonyme. HLM sombre. Oui. Un écrivain. Oui. Parce que moi j'avais. Je sais pas. HLM, c'est quoi? C'est quoi? C'est maison. En plus qu'une maison quand même. HLM sombre. Villa Claire. Ah, non, on se rapproche. On se rapproche. Un écrivain. Toujours en train de faire des phrases à rallonge, de dire les rythmes ternaires, il pleuvait, l'orage. Un peu Chateaubriand. Drama queen. Eh oui, Chateaubriand, évidemment. Ah, pas mal. Chateaubriand. Bravo. Dis pas mal, c'est de la merde, mais oui. Bravo. Ah, quels sont les points là, ce stade de. Il y a 2,5 pour Steven et 3,5 pour moi. Ah, c'est serré. On cherche le nom d'un chanteur. Ferrari. Attends, il faut l'antonyme de Ferrari ? Bah, tout à fait. mais ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'antonyme à Ferrari. Et pourtant, si, le nom d'un chanteur. Hein. Cabrel ? Presque, hein, c'est pas mal. Ça aurait pu marcher, mais c'est pas ça. Mais c'est. Quatrel ? Tu es pas loin. Non, mais c'est. Francis Cabrel. J'aime bien, mais tu peux trouver autre chose. Mais il n'y a pas d'antonyme à Ferrari, ça n'a pas de sens. Mais si, tu réfléchis, 4L, t'as raison, c'est un peu une marque de voiture moins luxueuse, je crois. Bah. Renault. Bingo. Eh oui, bravo, ah. Renault, évidemment. <Ta-ta-tan>. Bravo à toi. Allez, la suite. On cherche le nom d'une franchise de films. Et l'indice, c'est Anonyme Sieste. Célèbre éveillé. Oh, alors ça n'existe pas, mais mais tu as bien compris le jeu. Allez, quand t'es pas un anonyme, tu es quoi? Tu es familier. Hein, tu es connu quoi. Tu es quoi? Tu es célèbre. Oui, mais y a pas de film qui s'appelle célèbre. C'est un film ou c'est une maison de production, t'as dit? C'est un film, une franchise de films. Il y a eu plein de films. Ah. Famous. Et c'est quoi le deuxième mot? Sieste. Éveillé. C'est quoi j'ai un antonyme de sieste? Mort. Pensez. Alors, premier anonyme. L'inverse, là, ils vont dans une académie souvent, les gens comme ça. C'est des célébrités, c'est des gens famous. Oui, c'est des, comment on les appelle? Des stars. Oh voilà, des stars, tout à fait. Star Wars. Bah c'est pas la guerre, c'est pas l'inverse de la sieste. Qu'est-ce qu'est l'inverse de la sieste? Le trek, faire un et trek, oui. Star Trek. Et bah voilà, Star Trek, exactement. Mais attends, mais d'où antonyme de sieste, c'est trek. Enfin, bah, c'est trek, purement gratuit. C'est, tu marchais pendant longtemps, sieste, tu dors, tu bouges pas. J'avoue, c'est abusé. C'est complètement abusé. Genre Star Wars, ça marche pas parce que la guerre, c'est pas du tout l'antonyme de la sieste. Par contre, le trek, c'est le contraire. Tu vois, tu fais la sieste, tu peux faire la guerre pendant que tu fais une sieste, ça c'est pas grave. Par contre, le trek, non. Mais ça n'a pas de sens. Si tu n'es pas content, tu feras le coup de toi-même la prochaine fois. Alors là, attendez, j'ai jamais entendu ça. Bon, il en reste deux, et un bonus qui, lui, est plus dur, donc je l'ai mis en bonus. Ah ouais. Là, pour l'instant, c'était facile. Ouais, bah ouais. On cherche le nom d'un chanteur. Brillant Mucho Colombe. Ça veut dire quoi? Brillant Mucho Colombe. Mucho Colombe. Oui, brillant en un Mucho seul mot. Colombe. Non, en trois mots. Brillant. Ah non, deux mots. Brillant et après Mucho Colombe. Ça ne veut rien dire. C'est quoi l'inverse de Mucho? Bah. Muchos. Ouais, je sais pas. Ah, on sent que toi tu as fait espagnol il y a longtemps. Ah, j'ai fait espagnol LV7, je crois, un truc comme ça. Attends, brillant, c'est quoi? Fade? Presque. Quand ça brille pas, comment on appelle ça? Terne? Pas tout à fait. Pâle? Non. Mat? Oui. Mat. Ah. Mat Pokora? Oui, Mat Pokora. Brillant Mucho Colombe. Mat Poco, l'inverse de Mucho. Et Ra, l'inverse de Colombe. Mais en fait, je sais pas si t'as compris le concept d'antonyme. Antonyme, ça veut pas juste dire un mot qui est différent. Tu vois, ça veut dire le contraire. Eh, attendez, la colombe, c'est la propreté, la vertu, le rat, c'est les maladies. C'est l'inverse. Coronavirus. Faut être un peu dans les métaphores aussi, Steven. Ouais. Vas-y, fais des métaphores. Ah, le dernier officiel. Ah, celui-ci, en plus, il est un peu... Il est plutôt officieux qu'officiel. L'inverse de gouffregne. De quoi? Pensez à l'inverse de gouffre et rajoutez aigne après. Et attends, on a même pas d'un... Là, on sait même pas de ce qu'on cherche. Antonyme de gouffre. On cherche quoi? L'antonyme. Ah oui, pardon, le nom d'un écrivain. Montaigne. Eh oui, l'inverse de gouffregne, c'est Montaigne. Ah putain, c'est un scandale. Mais j'ai le point. Donc c'est bien. Allez, c'est quoi les scores? Parce que là, il m'en reste un, mais celui-ci, il est un peu dur. C'est 3,5 pour Steven contre 6,5 pour moi. Ah d'accord, donc c'est... quoi qu'il en se passe, c'est fini quoi. On peut faire. Non, il fait 3 points celui-là. Oh, oui, on peut dire qu'il vaut 3 points, mais alors là, ça va être dur. Hein. On cherche le nom d'une chanson. Ok. Et l'indice, c'est le repos des flics tristes. Le repos des flics tristes? Oui, une chanson. Alors, pour repos, en antonyme, j'avais bien éveil, mais en fait... en fait, l'antonyme d'éveil, c'est la balade des gens heureux. Bravo, la balade des gens heureux. Oh, il l'a trouvé, je suis fier de toi, parce que repos, balade, quand on se repose, on se balade pas. On est statique. Il y a un truc commun. En fait, il y a deux modes chez Stavro, c'est soit on se repose, soit on marche. Oui, c'est vrai, tout soit ça. Soit on fait un trek, une randonnée, soit on fait rien du tout. Exactement. Les flics, c'est l'inverse des personnes. Évidemment, comme vous le savez, et ah bah triste, oui, c'est l'inverse des gens du bonheur. Voilà. C'est un scandale. C'est un scandale. J'espère que ça vous a plu. C'est une victoire sans appel pour Analeps. Putain, arrête de Alexis, c'est Analeps, quoi, tout simplement. Il y avait tout mon crew avec moi derrière qui m'aidait, c'est pour ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je reviendrai avec plaisir si on m'en fait la demande. C'était le père Fouras. Le père Fougas, oui, pardon. Il y a assez peu de chances pour qu'on vous rappelle, mais on sait jamais. Ouais. Ah, est-ce que vous êtes le cousin du professeur Raoul? Un cousin, je vous dirais pas ça. Je dirais qu'on a collaboré par le passé. Ça fait 40. Ouais, collaborer, c'est le mot, je pense. Allez, bon, sur ce, je vous laisse. Et ben, on vous rappelle à la prochaine FK dans 3 ans à peu près. Bah, j'attends avec plaisir, mais n'oubliez pas de me payer cette prestation-là quand même. J'accepte. C'est quand même triste que Stavro n'ait pas assisté à ce quiz. Ouais, je pense qu'il aurait été heureux. Ouais, c'est vrai, je reviens juste de revenir, j'ai l'impression que ça avait l'air super, ce quiz. Ah, c'était... Ouais. Alors, quand tu écouteras l'émission, si jamais tu l'écoutes, je te conseille de passer ce moment. Enfin, parce que bon, c'est pas passé grand-chose, mais... Bah du coup, on va pouvoir passer maintenant à la seconde partie de l'émission, maintenant qu'on a bien rigolé. L'axe 2. Bien sûr. Alors c'est quoi l'axe 2, Stavro? Alors, l'axe 2, qu'est-ce que c'est? C'est, on a vu le premier archétype type Merlin, vieux barbu, un peu loufoque, qui apprend la vie à tout le monde. Là, on a un autre archétype qui est souvent présent dans la pop culture, c'est le maître de kung-fu. Et aussi le coach sportif. C'est deux autres archétypes de vieux qui donnent des conseils, mais qui sont un peu différents de Merlin. On va essayer d'en parler un petit peu, du coup. Des maîtres de kung-fu et anecdotiquement, ça n'existe pas mais je l'invente, des coachs sportifs qui sont aussi un autre type de vieux sage. C'est un peu d'autres figures du vieux qui apprend des trucs, mais un peu différent de Merlin. Du coup, on va essayer de voir un peu s'ils ont des caractéristiques particulières. Alors, bon, j'ai encore un peu la voix érouée parce que je sais pas comment ça se fait. Et si tu pouvais perdre cet accent à jamais, ce serait bien. Alors, si on commence par l'archétype du maître. C'est quoi le nom de l'axe déjà? Il est, là, il n'y a pas de blague, donc je ne voulais pas le dire. Et c'est maître de Kung Fu et coach sportif, d'autres archétypes de sage. D'accord, d'accord. Du coup, bon, je pense qu'on peut le dire, le premier auquel on pense, c'est Monsieur Miyagi, hein, dans les maîtres de Kung Fu. C'est le plus connu, c'est le plus évident. Alors, qu'est-ce qu'il partage avec le premier? C'est bah, il est vieux aussi. Voilà, déjà, on se retrouve là-dessus, on est d'accord. Il est sage aussi. Ouais, tout à fait. Ce qui explique sa présence dans notre émission. La différence, c'est déjà, ils ont plus souvent des longues moustaches que de longues barbes, les sages asiatiques. Ouais. Si vous êtes d'accord. Mais capillairement, il y a une petite différence. Moins des longs cheveux aussi, plus soit une barbe très longue et fine, et des grosses moustaches, que des cheveux longs et une grosse barbe. Non. C'est vrai. Donc déjà, première différence, capillairement, ils vont pas chez le même coiffeur. Déjà. Ouais. Est-ce que cette différence capillaire justifie un accentier? Je ne sais pas. Bah, on espère que non, on espère qu'il y a d'autres trucs à dire. Il y a aussi, bah justement, en fait, l'autre grosse différence, c'est que, contrairement à Merlin ou à, je sais pas qui, Socrate, ils savent se battre. Ils peuvent encore... Est-ce que juste ils savent se battre? Parce que si tu regardes Dumbledore ou Gandalf, ils savent aussi se battre. C'est vrai. La différence, ça peut être aussi le fait qu'ils apprennent plutôt à se battre. Oui. Gandalf, ouais, il apprend pas vraiment à se battre. Enfin, non, il apprend jamais à se battre. Non, il apprend jamais à se battre, non. Dumbledore, c'est pareil, c'est pas lui qui est en charge de l'apprentissage, de la magie, etc. Ouais, c'est vrai. Alors que le maître de Kung Fu, lui, il a peut-être même d'abord l'apprentissage du Kung Fu à son. Bref. Ouais, ouais. À son petit scarabée, quoi. C'est un de ses attributs, en fait, de sage, quoi. C'est qu'il sait se battre. Par essence. Exactement. Il est là parce qu'il est fort. Il est fort en Kung Fu. Et du coup, ça se voit dans l'enseignement qu'il donne à son élève. C'est-à-dire là où les sages plus occidentaux ont un enseignement plutôt philosophique. Le maître de Kung Fu, évidemment, il enseigne aussi avant tout le combat à son élève. Et même s'il y a quand même une dimension spirituelle, il y a tout ce côté un peu d'épreuve qui est bien plus important dans cette caractéristique. Tout se passe comme si en fait l'apprentissage de la discipline sportive était l'occasion ou le fait même de l'apprentissage philosophique, quoi. C'est par le kung-fu ou par les différentes épreuves physiques que le disciple va apprendre ce qu'il y a à savoir, la sagesse. La sagesse passe par là, quoi. Ce qui n'est pas le cas chez Dumbledore. La sagesse de Dumbledore, elle passe pas forcément par le combat ou par l'apprentissage du combat. Ça, c'est autre chose. Il faut que le héros, il faut que Harry Potter, il sache se battre. Mais c'est pas Dumbledore. C'est pas là le message de Dumbledore, quoi. Ouais. Et surtout, le renseignement au maître de kung-fu, il est souvent un peu énigmatique en lui-même. Par exemple, Monsieur Miyagi, il apprend pas le kung-fu directement. Il t'apprend, enfin, il enseigne à son élève en anglais, c'est wax on, wax off. Donc, c'est genre essuyer en haut, essuyer en bas, grosso modo. Et du coup, il t'apprend à faire un geste très prosaïque, très du quotidien, genre à essuyer, quoi. Et tu sais pas pourquoi il te fait ça. Et du coup, même l'enseignement, il est étrange et un peu anodin. Et tu comprends seulement après qu'il t'a appris à te battre en t'apprenant à essuyer une voiture, quoi. Est-ce que le personnage de Ra's al Ghul, par exemple, dans Batman Begins, il rentre là-dedans? Bah, je pense qu'il est construit sur ce modèle-là. Après, est-ce que oui, c'est il est un moins sage? Ouais. C'est discutable sur son côté sage, mais comment dire, la découverte du personnage, elle se fait à travers cet archétype, quoi. Ouais. Du coup, il y a ça comme différence, c'est que l'enseignement, il est plus énigmatique, on comprend pas ce qu'ils veulent au début. Ils t'apprennent des trucs du quotidien, et après, tu comprends que c'est pour t'aider à te battre. Et même la façon dont ils parlent, on a parlé du côté un peu énigmatique et père Fouras, de la façon dont parlent les vieux sages, mais c'est encore plus présent, je trouve, dans les sages asiatiques. Ils parlent que en proverbes et en paradoxes. Ils parlent un peu en koan, c'est le nom qu'on donne aux paradoxes logiques dans le bouddhisme et dans le taoïsme aussi. Et c'est totalement abusé dans la représentation occidentale, quoi. Ils parlent comme des cookies de restaurant chinois, les maîtres de kung-fu, quoi. Et dans une autre sphère régionale asiatique qui est plutôt genre le Tibet, l'Himalaya, tout ça, il y a aussi un côté encore plus ésotérique et magique, tu vois, genre dans, comment ça s'appelle ce Marvel là, Doctor Strange, ouais, c'est Tilda, ouais, où la prof là qui lui enseigne, elle a la maîtrise un peu de, comme disait Steven tout à l'heure, justement là du cosmos, et elle maîtrise un peu toutes ces choses là et là elle a un phrasé qui, en plus d'être énigmatique, et ésotérique, en fait. Ouais, parce que de toute façon, l'art martial, il est intimement lié à la spiritualité, du coup, ils t'apprennent forcément les deux, et effectivement, pour que tu puisses être meilleur en arts martiaux, faut que tu fasses le vide dans ton esprit, que tu... En fait, souvent, ce personnage-là, il est construit sur d'autres références philosophiques que Socrate, Platon, Jésus, quoi. Du coup, ouais, c'est construit sur le bouddhisme et le taoïsme. Alors, C'est un... Moi, j'ai pas trop compris. J'ai Moi, je essayé, peux mais bon. T'expliquer si tu veux. Ah, vas-y, alors explique-nous, grand maître Tao. Qu'est-ce que non, c'est mais en gros, non, mais au-delà du taoïsme, dans le bouddhisme, t'as trois grands courants. T'as le petit véhicule, le grand véhicule et le véhicule de diamant. C'est Mario Kart. et en fait, le petit véhicule, donc c'est le véhicule historique, le bouddhisme Hinayana, qui est surtout développé dans l'Asie du Sud-Est. Et le grand véhicule, le véhicule Mahayana, qui est présent en Chine, et donc c'est dont tu parles quand tu parles de Miyagi. C'est un bouddhisme qui considère que tu peux sauver les autres, enfin tu peux éveiller les autres, contrairement okay. au petit véhicule où tu dois t'éveiller tout seul. Et donc il y a tout ce côté enseignement d'une personne qui transmet son savoir à une autre. Okay. Et enfin le véhicule de diamant, c'est le véhicule Vajrayana, qui est le véhicule des Tibétains. Donc c'est le plus ésotérique, et c'est pour ça aussi que quand tu montes dans l'Himalaya et tu vas vers des contrées un peu moins peuplé, quoi. Et ben, tu as des archétypes beaucoup plus liés à l'ésotérisme. Okay, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Donc toi, finalement, ça se rapproche avec le diamant aussi. Cette chanson des. Voilà. Et ne dites pas, sage comme Émile et Image. Ouais. Donc. C'est une farandole de blagues offerte par Stavro qui se sentait mal à l'aise, qu'il se passe des trucs intellectuels pour une fois. Est-ce qu'on pourrait dire que l'image du sage occidental, qui est beaucoup plus marquée par la figure de Socrate, et du coup dans un truc beaucoup plus rationnel, rationaliste, est-ce qu'on pourrait dire qu'en un certain sens, même s'il y a un fort rationalisme chez Bouddha, il y a quand même un truc aussi un peu plus ésotérique ? Dans la figure de Bouddha, il y a quand même des éléments qui ont trait à un truc un peu mystérieux. Je pense que oui, parce qu'en plus, là, Alexis, il a bien parlé du bouddhisme, mais même le taoïsme, qui a beaucoup influencé le bouddhisme grand véhicule là, de la Chine. Le taoïsme, c'est une religion, enfin une spiritualité, c'est pas vraiment une religion qui est pas dogmatique, il n'y a pas de dogme. Du coup, c'est, tu dois un peu, même dessiner le Tao, c'est dur, parce que tu dois le trouver toi-même, quoi. Du coup, c'est chacun doit un peu se débrouiller, même si sûrement je dis n'importe quoi, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas de dogme, en tout cas. Donc tu dois un peu t'éveiller tout seul et trouver tout seul les réponses, et du coup... Rien que ça, déjà, ça implique un peu plus de mysticisme, peut-être, et de mystère. Oui, oui. Après, même le bouddhisme, en fait, en Europe, on a une vision presque laïcisée du bouddhisme, avec Bouddha en tant que grand philosophe. Alors qu'en fait, si tu prends les textes en pali, qui sont les plus vieux textes qu'on a du bouddhisme, clairement, c'est dit que quand Bouddha il est né et qu'il a marché, il y a des fleurs de lotus qui sont poussées à l'endroit où il a marché. Enfin, c'est quand même un dieu, quoi. Enfin, il a quand même il a des caractéristiques divines, quoi, qui du coup en font plus qu'un philosophe, mais un espèce de. C'est pas vraiment un dieu, mais il a des super pouvoirs, quoi. Sur sa naissance, par exemple, on n'a rien sur la naissance de Socrate qui annoncerait quelque chose, alors que c'est vrai que Bouddha, on a l'idée même que sa conception, elle ressemble plus à celle de Jésus d'ailleurs que celle de Socrate. Et ouais, tout à fait. Ce que tu disais, là, le fait que dès qu'il naît, il marche et il y a des fleurs qui poussent sous ses pas. Donc on a tout de suite un aspect un peu plus, dans la tradition même du bouddhisme, un aspect un peu plus ésotérique. Qu'on peut l'avoir dans les sources occidentales, peut-être. Ouais, et puis ça, je pense que ça rejoint aussi une vision très orientaliste, quoi. C'est des cultures qu'on connaît pas. Enfin, souvent, les œuvres auxquelles on fait référence, elles sont écrites par des blancs comme nous. Ils ont compris deux, trois trucs. Ça a l'air un peu mystérieux. Bon, du coup, ils sont plus mystérieux, quoi. C'est aussi ça, je pense. Ouais, il y a des trucs qui jouent, mais à la base même du bouddhisme, il y a quelque chose de l'ordre de l'ésotérique. Et après, avec une sorte d'orientalisme. Occidental, on se dit oui, ils font des trucs magiques, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que même, tu vois, le cliché qu'on a, c'est, je disais tout à l'heure, petit scarabée, c'est le fait. On parlait du fait que l'entraînement, il est physique, et il est aussi un peu entraîner l'esprit, genre le cliché d'attraper, un caillou dans la main, ou alors la mouche dans Karate Kid, c'est la mouche avec des baguettes. C'est ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'enseignement est ésotérique. L'exemple que je donnais avec essuyer la voiture, parce que du coup tu comprends même pas pourquoi il t'apprend ça. Du coup c'est un mystérieux jusqu'à dans les leçons qu'il t'apprend, que tu pourras comprendre seulement beaucoup plus tard. Même dans Game of Thrones, c'était ça quand Arya doit attraper un chat, je crois, dans la saison 1 avec son maître d'épée, quoi. Dans Dragon Ball, c'est pareil, il rencontre plusieurs sages qui lui font courser un singe, etc. Donc on te fait apprendre des trucs que tu comprends même pas. Et faut globalement courser des trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'inverse du sommeil, c'est l'inverse de la sieste. Mais c'est vrai, il comprend pas la blague. D'ailleurs, dans le bouddhisme, on dit l'éveil. Tu vois, il y a bien un truc entre l'éveil et courser des trucs. C'est vrai. Putain. C'est pas quoi je parle, moi, Steven, je comprends pas. Et courser des trucs, ça rappelle les coachs sportifs. Ah, c'est pas mal. Putain, il y a j'aimerais dire un truc avant ça, c'est aussi un truc bizarre. C'est dans. On parlait des animés. Et les. Tu vois, il y a Tortue Géniale. Dans Naruto, il y a. Non, Tortue Géniale et Kaio-sama. C'est le gros bonhomme bleu et des lunettes de soleil dans Dragon Ball. C'est deux grandes figures de sages. Et dans Naruto, il y a Jiraiya. Je sais pas si vous avez regardé, mais. Et c'est trois. Trois sages-là, ils sont beaucoup plus loufoques et excentriques que les sages occidentaux. Je crois que les trois que je cite, ils sont un peu obsédés, genre ils lisent des BD érotiques et tout, ils en écrivent même, je crois, pour Jiraiya. Ouais. Et du coup, il y a ce côté, j'ai l'impression que dans les animés, on veut, en plus de faire un portrait de vieux sage, faire un portrait de vieux aussi, un peu sénile, un peu bizarre, pour qu'il soit à la fois un ressort comique et à la fois sourd de sagesse, quoi. Selon les situations, il peut faire rire et on peut se moquer, et après, il redevient sérieux, quoi. En même temps, t'as déjà ça dans Merlin. Ouais, oui. Voilà, ouais. Merlin, ouais. C'est ça aussi. Socrate, c'est ça aussi. Il y a aussi tous les trucs d'Aristophane où il se moque de ce vieux fou. Et je pense que à chaque fois, que ce soit dans la figure type Merlin, très occidentale du vieux sage, ou dans le maître de Kung Fu, cette idée que la sagesse est assez liée ou proche de la folie, quoi. Ouais. Ça peut peut-être être un truc un peu presque universel, même si on l'a pas dans des figures vraiment héroïques type Gandalf ou Dumbledore. Je me souviens pas de scènes où on se fout de leur gueule parce qu'ils sont un peu fous. Non, effectivement. Il y a des moments où, quand ils sont pas vraiment dans une épopée grandiose, le vieux est un peu aussi celui dont on se moque, quoi. Ouais. Et ouais, on peut parler du coach sportif. Le coach sportif, je sais pas si on peut en parler, mais c'est un peu lui, il est là pour l'entraînement physique, mais il a pas je pense pas qu'il ait la sagesse, en fait. C'est un peu le rôle dépouillé de spiritualité pour moi, le coach sportif. Il a l'expérience quand même. C'est ouais. Un peu l'adulte de confiance, je pense, dans l'imaginaire, en tout cas occidental. Le coach sportif représente quand même l'adulte de confiance, qui souvent va avoir, un peu comme Sam Gadji, qui n'est pas un sage, mais qui, par son expérience et par son extériorité aussi, c'est celui qui est extérieur à la famille, etc., qui a plus le rôle un peu d'adulte référent, comme peut l'avoir un enseignant ou je sais pas quoi. Ouais. Un peu. Il y a vraiment des œuvres de pop culture qui représentent des coachs sportifs, à part Professeur Adadas dans Le Petit Spirou. Waouh, je sais même pas ce que c'est Professeur Adadas. Moi, j'ai pas ta culture franco-belge, mais bah il y a le plus connu pour moi, c'est Mickey dans Rocky, quoi. Le vieux. T'as aussi du coup Clint Eastwood dans Million Dollar Baby. Ouais, mais c'est que des films vraiment consacrés au sport, quoi. Mais il y en a quand même beaucoup. Après, il y a pas mal de séries où on peut l'avoir. J'ai pas trop d'idées en tête, mais après, est-ce que là, on n'est pas plus dans la fonction de mentor en elle-même que dans la question du sage? Ouais, si, mais pour moi, justement, la fonction, enfin, comment dire. On a l'archétype du vieux sage qui représente un cas particulier de la fonction du mentor. Le coach sportif, c'est un peu le vieux sage édulcoré, quoi, impliqué au sport. C'est la version prof de PS de Gandalf, quoi. Mais il y a un peu le même schéma. Il y a un peu le même schéma quand même, je trouve. L'expérience, l'enseignement. Il n'y a pas le côté énigmatique, il n'y a pas le côté ésotérique, mais il y a le reste, quoi. Et tu vois, je pense que c'est une figure qu'on a en tête quand même. C'est un peu une dilution du vieux sage dans des figures autres. Genre Philippe Etchebest, cauchemar en cuisine, c'est un coach sportif. Et c'est. Non, mais là, tu vois, mais je dirais pas qu'il est sage, quoi. Mais oui. Ouais, mais il est là pour te motiver. Il a l'expérience nécessaire de la cuisine. Il est oui, là pour mais t'emmener encore dans une fois, tu peux avoir des personnages qui ont ça sans la sagesse. Pour moi, les coachs sportifs, ils ont ni les attributs physiques, ni la sagesse. Ils sont juste des entraîneurs, quoi. Et je pense que ça suffit pas à qualifier quelqu'un de sage, quoi. Il est sage dans son sport, quoi. Il sait ce qu'il connaît, les techniques, il connaît les roublardises. Bah, c'est un sachant, c'est pas un sage. Oh, ah ouais. Ouais, je pense. Mais après, c'est vrai qu'il y a des moments où le coach sportif peut avoir un rôle de conseiller, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit à en faire un sage? Je suis pas vraiment sûr que ça en fasse vraiment un sage. Ouais, pour moi, c'est plus une conséquence de l'archétype de Merlin, quoi. C'est plus ce schéma-là narratologique et psychologique, parce qu'on n'a pas dit, mais les vieux sages, c'est un peu des figures paternelles, hein, souvent. Oui. Pour le héros. On a dit des figures grandes paternelles. Oui, c'est vrai, des filles. Du coup, c'est un peu la conséquence. On aime tellement ce schéma-là, où on y est tellement habitué qu'on on a fait des fictions en tournant ça, en appliquant ça au sport, quoi. Dans le sport, il faut aussi qu'il y ait un simili vieux sage, un simili vieux sachant, qui soit là pour. Généralement pédophile. Voilà, faut le dire aussi. Hein. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. On peut pas faire comme s'il n'y avait pas de scandale actuellement sur les coachs sportifs dans le sport. C'est vrai. Est-ce que le pape, c'est un sage? Waouh! Wow. Ah, on n'y a même pas pensé. Bah, je pense que si, quand même. Je pense qu'en un certain sens, pour le catholicisme, le pape, c'est même à la fois le saint et le sage. C'est Gandalf, quoi. Ouais, c'est Gandalf. En tout cas, c'est la seule personne qui est en mesure d'interpréter la parole de Dieu dans le catholicisme. Donc, il a forcément une sorte de chose de sagesse. Et ce qu'il dit a valeur de loi. Donc, il a une forme de fonction de législateur, comme peut l'avoir le sage qui vient dispenser sa sagesse, en fait. Mais ce n'est pas un maître de kung-fu. Ah bah, ça dépend, parce que dans Assassin's Creed 2, le boss de fin, c'est le pape. Donc, voilà. Dis ça, je dis rien. Ok, est-ce que... Alors, du coup, on a vu un autre archétype de vieux sage, qui est le maître de kung-fu, qui vraiment est ressorti à toutes les sauces et qui est... Ça, on va peut-être faire une transition, voilà, dernière partie, c'est... Mais attends, avant, est-ce qu'on a terminé vraiment sur le maître de kung-fu? Il n'y a rien d'autre à dire? Bah, si, on peut parler du fait que... On peut se poser la question, Yoda, maître de kung-fu ou Merlin? Bah, clairement, Yoda, moi, je le place plutôt dans notre axe 2, parce que, très clairement, tout est inspiré dans les Jedi d'une sorte de sagesse qui passe par l'exercice. Non. Ok. Non, c'est un peu les deux. Mais en même temps, je pense que tu vois aussi en Yoda le côté kung-fu, parce qu'il y a eu la prélogie. Si tu vois que l'épisode 5, où tu le vois parler en mode chelou sur cette planète marée, là. La petite marionnette, là. Non, ouais, non, mais il lui fait porter des cailloux. Il lui dit, vas-y, porte des cailloux. Ouais, c'est vrai qu'il y a le côté épreuve. C'est vrai. Merlin, il fait jamais ça. Merlin, il dit, bah, viens, je te dis des trucs et puis tu vas savoir des choses. Il lui dit pas, vas-y, porte des cailloux, on verra ce que ça fait. Camionnette. Je pense que Yoda, il est plus inspiré. Il a inspiré un peu des deux, forcément, mais parce que les deux ont des formes très communes. Mais il est inspiré un peu du maître de kung-fu. Il dit, bah, vas-y, tu portes des cailloux, tu me mets sur tes épaules et puis merde. Voilà. Ouais, en plus, surtout que Yoda, il est plus fou que Kung dans l'épisode 5, quoi. Il est hyper bizarre. Il arrive, c'est un mini-cum dégarni qui mange des trucs de Luke, qui parle bizarrement, qui dit pas qui c'est et tout. Donc, il y a le côté beaucoup plus loufoque et excentrique qu'on peut retrouver dans les maîtres de Kung Fu, quoi. Dans certains, en tout cas. Donc, ouais, peut-être que c'est plus un maître de... En plus, ouais, plus un maître de Kung Fu. Et il y a aussi la relation maître-disciple qui est institutionnalisée chez les Jedi, puisqu'il n'y a pas d'Awan maître, là. Chez eux, c'est même comme ça que ça fonctionne, quoi. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais je sais pas si c'était vraiment le fallait parler ici ou dans l'accent, mais ça m'y fait penser parce que on parle de Yoda, c'est la mort des sages. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a oublié de dire ça, t'as raison. Ouais. C'est vrai que la dernière leçon qu'apprennent les sages, souvent, c'est à se passer d'eux, quoi. Bah, je t'ai donné tout ce que t'avais et maintenant alors je meurs. Alors ça, c'est au niveau de la fonction. Ouais, au niveau de la fonction, c'est genre leur dernière leçon. Mais il y a aussi un truc, je pense, au niveau du sage lui-même, où dans son apprentissage, il apprend aussi qu'il n'a plus rien à attendre de la vie. Donc il peut mourir. Il y a une sorte d'acceptation de la mort. On a ça déjà chez Bouddha, il y a cette idée-là. Chez Socrate, il y a clairement cette idée-là, hein, dans le Phédon où il est condamné à mort. Ses potes viennent pour essayer de le faire sortir de sa prison. Et il leur dit, bah, les gars, non, je vais rester, c'est pas grave, je vais mourir, je sais. Non, on lui dit, Socrate, on va t'empoisonner. Et il dit, Phédon. D'où le titre du livre. Putain, j'étais en train de boire ma bière, j'ai craché sur ma bonnette. Cimer. Non, mais tu vois, il y a cette idée. C'est cette idée qui est souvent relatée chez les sages de. Ils sont prêts à. En fait, le truc que Montaigne va reprendre de la philosophie, c'est apprendre à mourir. Gouffregne. Le sage apprend. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je repensais à la blague du père Fougas, c'est tout. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, je sais même plus ce que c'était. Gouffregne. Gouffregne, eh oui. Et bah Gouffregne apprend ça. Il apprend que philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais en fait, c'est toute la leçon de la sagesse grecque de dire, bah, en gros, la mort n'est plus ou moins rien pour nous. Il faut être prêt à l'accepter. Et chez Bouddha, on a cette idée-là aussi que la mort, il faut l'accepter, quoi. Ouais, la mort, c'est souvent une élévation aussi. Parce que tu vois, Obi-Wan, il meurt pas vraiment. Il communie avec la force. Je crois que Luke, dans le 8, c'est un peu assez pareil, à peu près. Même dans Kung Fu Panda, la tortue, elle disparaît dans un vent magique de feuilles de cerisier, de fleurs de cerisier. Donc ouais, il y a aussi ce côté, la mort, c'est même parfois juste une étape de plus vers l'élévation, quoi. Puisque dans le bouddhisme, tu te réincarnes, en plus. Enfin, je crois pas vraiment, peut-être... mais... Non, oui, en fait, le but, c'est peut-être de pas te réincarner. Peut-être que Alexis peut nous expliquer un petit peu le rapport... Le rapport à la mort dans le bouddhisme. C'est un peu touchy. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est pour ça que je voulais que t'en parles. C'est compliqué parce que selon les écoles, il n'y a pas le même point de vue. Soit tu te réincarnes en une autre entité si tu en fonction de son karma, en fait, du karma que tu as accumulé pendant ta vie actuelle. Soit il y a des écoles qui considèrent qu'on se régénère tous dans d'autres entités, mais que rien n'est lié. Et en gros, la métaphore qu'ils utilisent, c'est de parler d'un bracelet de perles, mais sans fil au milieu qui tient le bracelet. Et en gros, tu passes de perle en perle, de vie en vie, comme ça, sans qu'il y ait de lien les uns avec les autres. Donc voilà, c'est un peu sceptique. Ça pourrait dire que c'est compliqué, quoi. Et voilà, c'est ça. Ouais, merci. Ça fait plaisir d'avoir des spécialistes. Mais même pour revenir à l'idée d'une mort un peu chelou à la Yoda ou à la Obi-Wan, Merlin aussi, hein. Merlin, sa disparition, elle est toujours plus ou moins évoquée d'une manière étrange où on sait pas trop s'il est mort ou s'il est parti ailleurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il y a ça aussi chez Socrate, hein, dans chez Platon, il y a toute cette idée que en fait la mort n'est pas vraiment juste la fin, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pas forcément la fin ultime. Mais dans tous les cas, on est prêt à l'accepter. Le sage épicurien, donc ceux qui suivent la doctrine du philosophe qui s'appelait Épicure, sont prêts à accepter la mort. Il y a l'idée que la mort n'est rien pour nous. La grande sagesse épicurienne nous dit que quand on est vivant, la mort n'existe pas. Et quand on est mort, nous ne sommes plus. Donc il n'y a rien à craindre de la mort. Chez les stoïciens. C'est ce que dit d'ailleurs clairement Gandalf... dans le Retour du Roi, là, quand ils sont sur les remparts de Minas Tirith, et qu'il dit à Pipin « Ah, mais c'est pas la fin, la mort, c'est que le début d'un nouveau voyage, etc. » Ouais, ils disent ouais, ça parce qu'ils sont vieux. Ouais, il y a peut-être parce qu'ils sont vieux, mais il y a aussi l'idée d'une acceptation. La mort, elle est paisible à chaque fois, en fait. La mort très souvent, en tout cas, la mort du sage, elle est très paisible. Dumbledore, un peu moins. Dumbledore, un peu moins. Bah si, il accepte, hein. Il est posé, il dit... Enfin, il... Oui, sa mort, elle est quand même violente, tu vois. Il meurt pas dans son lit. Ouais, mais il y a une acceptation. C'était son plan, quoi. Il avait prévu. Ouais. Gandalf, c'est pareil. On voit une acceptation, en fait, de son sort. Obi-Wan, on dirait qu'il s'auto-combustionne. Par volonté. Ouais, il range son sabre en plus, même il attend. Ouais, il range. Quoi ? Mass Windu, un peu moins. Ouais, mais est-ce que c'est un sage ? Ouais. Eh bien, ça rentre dans la troisième partie, peut-être. Oui. Alors, non, moi je pense qu'en fait, Mace Windu, je le mettrais plus dans la catégorie philosophe, au sens où le philosophe, c'est un aspirant à la sagesse. C'est pas encore un sage. Il a pas encore les ongles assez longs. Il est quand même, il est quand même maître de Lord Jedi. Ouais, mais est-ce que c'est un sage pour autant ? Je sais pas. Bon, je pense que Yoda, il le considère comme un sage, non ? Ah, mais justement, tu vois, c'est dans ce qu'on dit tout à l'heure pour Saruman et Gandalf, quoi. Mace Windu, justement, il est assez sage pour diriger, mais il n'est pas assez sage pour ne pas diriger. Ah. Mais je suis d'accord avec vous, mais je pense que dans la... comment dire ? Dans la diégèse de Star Wars, il est quand même considéré comme un sage, quoi. Bah, après, il peut être considéré comme un sage au sens où... je sais pas, tu vois, il faut des figures qui ont suffisamment de sagesse pour gouverner, pour diriger. Mais est-ce que c'est une figure de sage ? Je sais pas. Peut-être même que Yoda, dans la prélogie, n'est pas encore vraiment le sage qu'il sera. Ou Obi-Wan. Obi-Wan Même Qui-Gon, il y a plein d'images de sages qui sont encore pas totalement sages, quoi. C'est plus des philosophes au sens où c'est des aspirants à la sagesse. Ils sont sur le chemin, ils sont bien avancés peut-être. Mais ils n'ont pas encore atteint ce stade du sage. Très bien, vous m'avez convaincu. Merci. Allez, nickel. Du coup, je ne sais plus ce qu'on disait, je ne sais pas ce qu'on a encore à dire sur ça. Bon, on dit des trucs dont des ordres complets. Parce que là, on était normalement sur les maîtres de Kung Fu. Et puis, mais bon, on parlait de Star Wars, donc ça tient. Ouais, c'est ce côté-là aussi. Pour finir, les maîtres de Kung Fu, ce qu'ils ont en commun avec, par exemple, Yoda, c'est qu'ils ont l'air... On n'a pas l'impression qu'ils peuvent se battre, et en fait ils nous surprennent et ils se battent. Tout comme leur enseignement, on n'a pas l'impression qu'il est utile, en fait il est utile. Ils sont un peu surprenants, quoi, les maîtres de Kung Fu, peut-être aussi. Ils ont ce petit côté un peu farfelu de surprise, on a l'impression que c'est des vieux bizarres qui servent à rien, et en fait ils peuvent te démonter s'ils veulent, et ce qu'ils t'ont appris en fait c'est utile, mais tu ne savais pas. Peut-être ce côté un peu plus. Comme le Merlin dans Kaamelott qui est un peu surprenant. Oh, mais est-ce qu'il est sage à un moment donné, lui ? Non, que dalle. Il est surprenant parce que précisément, il ne sait rien faire. C'est vrai. À part raconter des blagues. C'est vrai que dans Kaamelott, en fait, du coup, je suis en train de réfléchir là, il n'y a pas vraiment de sage si ce n'est Arthur. C'est Arthur, ouais. Moi, qui s'attribue un peu tous les rôles, mais. Merlin c'est même pas un sage, c'est un râleur. Ça, c'est la technique de Steven pour avoir l'air sage, Arthur. C'est tu critiques tout, comme ça on a l'impression que tu sais mieux, mais en fait, tu sais pas plus. Enfin, je vais vous laisser, hein. Ok, ah ouais, là c'est ok, donc on est parti sur ça. Ça bah, tire à balle. Eh bien, je pense que tu dis de la merde et je vais critiquer tout ce que tu dis. Ah, je pensais pas que c'était méchant, désolé. Écoutez, on fera un petit, une petite postface en plus de la préface. Ce sera trop bien. Le podcast à baldaquin. Enfin, notre podcast sera un vrai roule-plateau finalement, et c'est ça qu'on cherchait depuis le début. Bah, du coup, je sais plus ce qu'on disait. Bah, non, du coup, on dirige lentement vers la troisième partie, parce qu'en plus, ce qu'on n'a pas dit sur les maîtres de Kung Fu, c'est que c'est un peu des Chinois magiques. Et ça, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir le dire dans la troisième partie. Wow, transition. Putain, tu t'es chauffé. Tu l'avais écrite, celle-là? Non, même. Bah, non, j'y ai pensé. Ouais, ouais, Natura, un jour tu verras. Ton cœur chantera et tu comprendras. Tu entendras sa voix comme un cri au fond de toi. Qu'il va bientôt y avoir d'étranges nuages. Un jour tu verras, ton cœur chantera. Alors, l'axe 3, qu'est-ce que c'est? C'est le titre, là, ce qu'Alexis aime bien au titre, c'est comment sortir du roi Merlin. Donc voilà. Voilà, donc on voit qu'il y a deux titres qui devaient être évoqués et qui ressortent exactement la même blague. Hein, oui, c'est vrai, bah, on va dire que j'en connais un rayon. Hein, dans le roi Merlin. Bah écoutez, on bricole, on fait ce qu'on peut, je sais pas moi. Arrête. Ça c'est mes blagues préférées, les blagues de champ lexico. Du coup, l'axe 3, en gros, on va essayer un peu de critiquer ce modèle parce que c'est un modèle assez récurrent, assez prégnant. On a vu une autre variation sur ce modèle qui est celle du maître de Kung Fu, mais ce modèle développé par Joseph Campbell et par Christopher Vogler qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres. Et par Jung surtout, le psychanalyste Jung, il a ce modèle de vieux sage qui selon lui est une sorte d'archétype universel de l'esprit humain. Voilà, est-ce qu'on peut arrêter enfin de chanter tous ensemble Forever Jung? C'est la question. Du coup, on peut commencer par ce que j'ai évoqué juste avant qu'on s'arrête, c'est que les maîtres de Kung Fu, c'est des Chinois magiques. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en gros les minorités dans les œuvres. Donc ça marche avec les Chinois magiques, les Noirs magiques, les natifs américains magiques, les femmes magiques, les Juifs magiques. En gros, c'est les minorités qui sortent de nulle part. Ils n'ont pas trop de profondeur psychologique ou narratologique, quoi. En gros, ils arrivent de nulle part. Ils donnent des bons conseils pour aider le protagoniste blanc, et après, ils s'en vont. Voilà. Et on ne sait pas trop comment ils arrivent, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, mais ils sont là pour aider le protagoniste blanc, et ils ont des pouvoirs magiques parce qu'ils sont exotiques, parce que c'est des minorités. Mais après, pour le coup, là, tu vois, tu parlais du chinois magique. Je pense que dans certaines œuvres, clairement, le maître de Kung Fu est l'équivalent d'un chinois magique. Tout à fait. Un chinois magique. Ouais, il y a des œuvres dans lesquelles pas du tout. Non, Monsieur Miyagi, je ne pense pas que c'est en soi, hein, parce qu'il est développé, on apprend à le connaître, etc. On voit son passé un peu triste. Et il y a une vraie relation maître-élève et père-fils, en plus, qui se développe. Donc, je ne pense pas qu'on pourrait dire que Monsieur Miyagi s'en est un, mais il y a beaucoup d'autres œuvres où c'est le cas, ouais, effectivement. Ouais, ou dans tout ce qui est... par exemple, les films de Jackie Chan, on ne peut pas dire qu'il y a un chinois magique. En revanche, si on prend dans Kill Bill, je ne sais plus comment il s'appelle. Pei Mei. Pay Mei. Là, il apprend des choses pêle-mêle. Ouais, ok. là, on est clairement un peu dans le chinois magique où il est surcaricaturé. Ah bah ouais, c'est un délire, on dirait. C'est l'équivalent en fait... de chinois du bananier, un petit peu qu'au niveau caricature. Là. Ouais, clairement, c'est ça. C'est rien qu'au niveau physique, ça colle assez mal en fait avec le truc. À part dire des trucs de chinois magique, il dit pas grand-chose. Ouais, non, clairement. Il y a la figure de l'oracle aussi un peu dans Matrix. Ouais, Steven en parlait dans la préparation. L'oracle, c'est ça, c'est un noir magique, une femme noire magique, quoi. Elle est là, on sait pas trop ce qu'elle veut, elle est là pour aider Neo et elle repart, quoi. Alors surtout dans Matrix 1, parce qu'après, elle acquiert un peu une profondeur, elle acquiert un peu une histoire, mais dans Matrix 1, il y a cette idée de ce personnage qui sort de nulle part et qui dit des trucs un peu sensés. Et je pense que c'est là que l'idée de minorité magique se voit un peu, quoi. C'est dans l'idée de... Il y a une sorte de sagesse qui est prodiguée par un personnage qui vient pour prodiguer sa sagesse sous prétexte ou derrière l'idée d'une sorte de mythe du bon sauvage qui serait près de, comment dire, qui serait près de la terre, qui aurait une sorte de sagesse populaire, une sagesse millénaire ou, exactement, ou des choses comme ça, quoi. Une sagesse que les occidentaux rationnels auraient un peu oublié. Ouais, c'est ça. Et on peut le dire, hélas, des acteurs comme Morgan Freeman ou Whoopi Goldberg, beaucoup de leur rôle, c'est ça, quoi. C'est de jouer les noirs magiques qui sont là pour aider le blanc et qui après repartent et qui, ouais, ont une sagesse que les blancs n'ont pas parce que, voilà, ils sont, comme tu le disais, quoi. Il y a un peu ce côté, genre, forcément, les noirs et les minorités, ils sont encore animistes et il y a encore ce côté, genre, on est proche de la nature et nous, on connaît les vrais bails et vous êtes les blancs. Matérialiste et compagnie, et vous avez un peu oublié tout ça, quoi. Ben ouais, il y a surtout, je pense, une idée de du fait, mais qu'on a aussi en fait des, comment dire, des catégories de population qui seraient des dominés d'une manière générale. Le truc de la sagesse paysanne, c'est un peu la même chose. C'est l'idée de dire, et ben voilà, en fait, les dominés sociaux ont une certaine forme de sagesse qu'on n'explique pas du tout. Il y a pas besoin de l'expliquer, juste bon, bah ben voilà, ils disent des trucs qui sont censés, on peut les écouter, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'as raison. Il y a aussi des pauvres magiques parfois, quoi. C'est ça qu'on peut dire. Ouais, clairement, il y a le clodo magique, tu vois, le clodo qui va venir dire un truc d'un seul coup, hein, on sait pas trop. Ou mais l'idée de sagesse paysanne. Même, je pense que la simple idée de bon sens paysan, en fait, clairement, ça s'inscrit là-dedans. Ouais. C'est l'idée que, bon, bah, les paysans, on sait pas trop pourquoi, ils ont pas lu de livre, mais eux, ils savent un truc que les gens cultivés ne savent pas, quoi. Du coup, c'est ça. Du coup, là, on est... En gros, t'as le niveau 1 de l'oppression, c'est pauvres magiques, et niveau 2, 3, 4, c'est les minorités magiques, quoi. Et ça, c'est un peu... Les minorités magiques, en gros, sont... comment dire, elle se résume à la fonction mentor, et encore très limitée, de conseil, quoi. Et du coup, il n'y a jamais de développement profond, de psychologique, etc., qui est amené. Du coup, le modèle de Merlin, il fait que on développe les sages, ou les sages, ils sont intéressants que quand ils sont blancs et chevelus, quoi, grosso modo. Que quand ils ressemblent à Socrate, quoi. Sinon, c'est pas grave, ils sont là pour donner un conseil, et après, ils repartent, quoi. Donc, c'est pour ça que le modèle Merlin, il est assez critiquable là-dessus, quoi. Il impose une domination... assez violente, quoi, pour les autres formes de sagesse, ou alors de personnes qui détiennent la sagesse même. Oui, après, est-ce que c'est le modèle Merlin qui est en lui-même critiquable, ou est-ce que c'est le fait de ne pas pluraliser les modèles? Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on veut pluraliser les modèles, et ben on tombe dans ce truc un peu de minorité magique. Dans Bureaucratie de Graeber, alors il doit y avoir des analyses, notamment des analyses féministes qui développent... Non, on retrouve l'esprit de JD, quoi. Voilà, c'est ça. Dans Bureaucratie de Graeber, il y a une analyse de ça qu'il fait sur la base d'une analyse de l'idée d'intuition féminine. Cette idée selon laquelle les femmes auraient une sorte de bon sens ou de connaissance immédiate de la réalité que les hommes n'ont pas. Et il part du fait qu'il y a beaucoup de blagues sur les femmes qui ne sont pas compréhensibles, qui peuvent avoir une intuition mais qu'on ne comprend pas très bien. Et l'idée qu'il développe, c'est que les dominants sociaux n'ont pas besoin, en fait, d'essayer de comprendre. Ne passent aucun temps à essayer de comprendre les dominés. Par exemple, essayer de comprendre les femmes, bah, ça fait pas partie du patriarcat, on n'essaie pas de comprendre. Et quand il y a un élément de sagesse, on a l'impression qu'il sort de nulle part. Idem pour les paysans. Les dominants sociaux n'ont pas besoin d'essayer de comprendre les paysans, tandis que les paysans ont besoin d'essayer de comprendre, en tout cas, les dominants sociaux. Et donc, on a une sorte de dissymétrie dans la compréhension de l'autre qui s'installe, qui fait que quand l'autre... Je sais pas si je suis clair, je vais peut-être un peu vite, mais... Tu es le vieux sage, Steven. L'autre qui est un dominé social dit quelque chose de pertinent ou quelque chose qui a l'air d'être de la sagesse, et ben il y a cette idée que c'est un peu mystique, que c'est un peu magique, ouais. Parce qu'il n'y a rien qui explique en fait pourquoi. C'est horrible. c'est assez horrible, ouais, mais je pense que c'est un travail interprétatif qui se fait dans un sens et pas dans l'autre. Ouais, tout à fait. On a insisté sur le fait que le vieux sage, il tire sa sagesse en fait de l'expérience, d'un truc où il est vieux, donc sa sagesse en fait elle vient d'une très longue expérience, comme si on pouvait en rendre compte. On a dit qu'il y avait un aspect flou, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut comprendre pourquoi le vieux sage il est sage. En revanche, chez les paysans et tout ça, bah, y a un truc un peu de ça sort de nulle part, on sait pas trop, mais c'est comme ça, ils ont un rapport à la terre ou à je sais pas quoi qui fait qu'ils sont sages. Je sais pas si on a fini sur cette critique assez importante, hein, juste parce que vu qu'on n'est pas concerné, je sais pas si on peut l'expliquer, mais bon, il y a d'autres gens qui pourront sûrement parler mieux que nous. Mais... Oui, probablement, mais on peut quand même donner quelques figures à qui on pense qui pourraient incarner ça. T'avais dit des acteurs qui souvent ont été. Ouais, Morgan Freeman, Whoopi Morgan Freeman dans Les Évadés, ou même dans Bruce Tout-Puissant où il joue Dieu. Il y a Whoopi Goldberg dans Ghost, qui est exactement ça, dans le rôle de la femme noire magique. Dans beaucoup de téléfilms, t'as aussi des Amérindiens, enfin des natifs américains qui sont dans ce rôle-là. On peut prendre de Walker Texas Ranger, je crois qu'il a un pote amérindien qui est là pour lui donner des conseils à chaque fois. Dans Twin Peaks, il y a l'Indien là, du commissariat. Bon, ils sont tous un peu sages dans Twin Peaks, donc c'est pas exactement pareil, mais il a quand même ce côté l'Indien, enfin le flic indien du commissariat. Il a l'accès à la nature, il connaît plus genre les bois et tout que les autres, quoi. Bah, et puis hélas, on peut penser à Stargate avec Tilk et Bratak qui, à mon avis, incarne quand même ces sortes de sagesse. Ils sont pas comme les anciens, avoir une sagesse un peu éclatante, mais ils ont plus un bon sens chelou. Ouais, des proverbes qu'on comprend pas. Avec le recul critique, maintenant je me rends compte un peu de la tristesse du truc. Et pourtant, Dieu sait que j'aimais Tilk et Bratak, et là je suis en train de me dire peut-être ils sont construits d'une manière qui me dérange un peu. Mais... ouais, effectivement. Dans The Walking Dead, Morgan, au début, en tout cas, il a un peu cet aspect-là. Ouais. Une figure qui peut être intéressante, c'est celle du chef dans South Park. Je sais pas si vous vous souvenez du chef dans South Park. Je m'attendais pas à ça. Oui, je m'en souviens. Ouais. Pour moi, il parle de ses couilles constamment et il fait du jazz. Mais au début, en tout cas au début, il a cet aspect un peu. C'est le seul adulte à peu près fiable. Ouais, c'est vrai. Qui va donner des conseils. Et en fait, les gamins, ils vont toujours le voir pour avoir des conseils. Et il y a peut-être une subversion qui se crée parce que c'est vrai que parfois il va donner des conseils qui sont pas compréhensibles par des gamins de 8 ans. Hein, quand Stan lui demande comment on fait pour qu'une fille tombe amoureuse de lui, il lui répond bah faut que tu trouves le clitoris. Peut-être que là il sort d'une sagesse. Mais ouais, il a un aspect un peu fiable et ouais qui est probablement un peu détourné. Ça reste un noir magique. Bon, ça reste un noir magique quand même, mais du coup. Je pense qu'au début il a été introduit. Ça se marque en plus, quoi. Peut-être qu'aussi au début il a été introduit comme ça et après il y a une critique ou pas de ce modèle, mais. Peut-être qu'il y a un truc intéressant qui, si quelqu'un faisait une émission sérieuse sur le sujet, pourrait creuser, quoi. Oh bah, c'est un sport que ça sera sans moi, je pense. Hein. Ouais, non mais quelqu'un... J'ai plus 12 ans devant Game One. Je parlais de quelqu'un qui ferait des émissions sérieuses, tu vois, avec une analyse. C'est vrai, Steven, il est comme ça, il propose des émissions aux gens et il est sympa. Voilà, c'est ça. On construit les podcasts des autres. Et on les préface après. Il y a aussi une critique qu'on peut amener à ce modèle, je pense, outre la critique du coup du fait que les vieux sages sont toujours quand ils sont creusés, et là ils sont souvent blancs et c'est des hommes. Il y a aussi le côté vertical du modèle, c'est-à-dire avoir dans son histoire un vieux sage qui t'apprend des trucs, c'est donner une image de l'enseignement qui peut être que verticale. Tu as forcément besoin d'un grand-père, d'un prof, de Dieu pour t'apprendre des trucs. Tu peux pas le faire tout seul ou avec des gens qui sont tes égaux, quoi. Ce modèle du vieux sage, il impose un peu cette vision-là de l'enseignement, quoi. Vision très à l'ancienne de il te faut un repère, un chef, quoi, pour t'apprendre des trucs. Tu peux pas le faire tout seul ou avec des gens qui sont comme toi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi, ce vieux sage, il incarne aussi ça, quoi. Côté vertical du savoir. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi une théorie un peu commerciale. Enfin, quand je pense par exemple au cinéma, en fait, j'ai le sentiment que le héros, donc la personne qui est instruite par le sage, donc c'est censé être nous, c'est la personne dans laquelle on se reconnaît et dans laquelle on est introduite. Tu dis ça parce que tu ressembles à Harry Potter. Alors que typiquement le vieux sage, c'est le sachant donc de l'univers dans lequel a évolué le personnage, et donc quelque part c'est le réalisateur et le producteur, tu vois. Oh waouh, attends, c'est bien. Ah ouais. Non mais enfin tu vois, moi je le vois un peu comme ça, et du coup il y a aussi ce côté on reproduit un espèce de modèle qui est le nôtre, qui est celui de la société occidentale commerciale et qui a besoin de vendre des produits. Tu vois, ça me rappelle un peu le principe du happy end, tu vois, où en fait, par-dessus une couche un peu commerciale, en fait, on rend heureux le consommateur qui va voir le film, et ben on te fourgue des idées un peu malhonnêtes, capitalistes, quoi. Voilà. Ok, bah de toute façon, je pense qu'effectivement le... Ok. Parce que je suis pas sûr d'avoir compris, mais effectivement le côté vertical, ouais, t'as raison, il impose de devoir se référer à quelqu'un et du coup à des figures d'autorité qui sont, on l'a dit souvent, des hommes blancs, et du coup ça, tu t'es bien conforté dans ce réflexe-là, quoi. Si... Après il y a aussi tout un truc dans la transition même du sage, de la figure du sage, précisément d'être le modèle. D'être le modèle à atteindre. C'est une figure d'autorité au sens, il a de l'autorité, quoi. Il peut enseigner parce qu'il a de quoi, il a de quoi quoi. Après, mais même quand il enseigne pas en fait, c'est là où je m'opposerai un petit peu à ton idée de parce que là tu penses le sage aussi comme un mentor, mais le sage ça peut être aussi un idéal. Si tu regardes à l'Antiquité, dans les écoles de philosophie, on écrivait sur le sage sans que ce soit quelqu'un de désigné qui nous enseigne des trucs, mais c'est un modèle. C'est un modèle qu'on doit atteindre, et en ce sens-là, il fait office d'un truc un peu vertical, mais c'est pas forcément quelqu'un qui vient de dire ce que tu dois faire. Okay. Ouais, après, je suis tout à fait d'accord avec toi, Steven. Après, c'est là où on analyse aussi de la pop culture. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que dans la référence à laquelle, par laquelle s'inspire la pop culture, ça peut peut-être être ce que tu viens de dire. Mais après, dans les faits, ce qu'on nous montre sur les écrans, dans les bandes dessinées, etc. C'est plutôt, là, ça, les écrans, moi, j'en peux plus des écrans. Je sais pas vous, mais les écrans, il y en a trop. c'est plutôt un mec qui impose son savoir, tu vois. Non, t'as raison, le modèle pop culture et pas celui de la philosophie. Steven, il veut faire le malin parce qu'il veut rentabiliser sa collection de bustes, on l'a déjà dit, hein, mais bon. Mais tu vois, chez les sages, mais genre Gandalf et tout, au fond, qu'est-ce qu'ils enseignent par eux-mêmes? Est-ce qu'ils disent des trucs? Est-ce qu'ils disent, tu dois savoir ça, prends les notes? Ah si, quand même, il remet souvent Frodo dans le droit chemin, quoi. Ouais, même Bilbon, j'ai revu le Hobbit hier, il lui dit... La vraie sagesse, c'est pas de tuer quelqu'un, c'est de savoir quand épargner une vie ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a toujours des petites phrases comme ça qui lancent au débeauté entre deux orques, quoi. Ouais, mais tu vois, il dit des trucs qui sont des trucs mystérieux, qui te font réfléchir de... Ah ouais. Et qui interviendront plus tard parce qu'il va épargner Gollum, quoi. Donc, ça va te faire un peu avancer l'histoire, t'as des petites promesses et des petits paiements en plus, quoi. Ouais, mais je pense que le sage, quand c'est pas juste un mentor, précisément, il est dans ce truc de... plus d'une pédagogie que d'une didactique. Voilà, je dis des concepts. Oh ouais, la didactique, okay, ce serait genre de t'enseigner... Merci Jean-Michel Blanquer. Nation apprenante, on est là. La didactique, ce serait vraiment de t'enseigner des trucs. Quand c'est véritablement un sage, il dit des trucs qui vont juste te faire réfléchir et puis tu sais pas trop. Genre Yoda, vas-y, écrire la sagesse de Yoda. On sait pas trop en vrai. Juste, il te dit des trucs, tu réfléchis. Faut pas avoir peur. C'est mystérieux. Ouais, voilà, ouais. Tu vois, c'est des trucs... Qui te font réfléchir, mais c'est très général et tu peux pas vraiment enseigner la sagesse de Yoda. Ouais, c'est vrai, peut-être. J'avais envie de pas être d'accord avec vous. Ok. Toi, tu veux pas être comme nous, un porte-mentor. Putain. C'est scandaleux. Ça me fait rire parce que ça fait 3 ans qu'on en a pas fait, mais voilà. La prochaine, la FK 30, parce que la prochaine sera la 30, qu'on enregistre la semaine prochaine, d'ailleurs, je vous le dis. Ah, ok. Ça me fera plus rire. Est-ce que... Bah moi, je trouve ça super comme blague porte-mentor. Jugez chez vous. Il y a aussi autre chose. Aussi, En critique, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas. C'est pas une idée que j'ai eue, mais qu'on m'a soufflé et qui est très bonne. On dit sage souvent parce que les gens, quand on dit de quelqu'un qu'il est sage ou trop sage, ça peut être un défaut. Il reste dans les clous, il est trop scolaire. Et les sages, souvent, les vieux sages dont on a parlé, ils sont là pour te suivre, te forcer à suivre une voie tracée. T'as dessiné deux héros. Ils sont là pour que tu poursuives ta quête. Du coup, les sages, ils sont plus là pour te dire fais ce que t'as à faire que écoute-toi ou réalise-toi en tant qu'individu. Du coup, les sages, ils sont un peu là pour te remettre dans le droit chemin et pas pour que tu suives ton propre chemin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça veut dire une critique du vieux sage, quoi. Je pense que précisément, c'est une déviation de la figure du sage qui est dans la pop culture avec cette idée de bien et ce truc un peu manichéen. Parce qu'à l'origine, le sage, il est pas là pour te dire rentre dans le droit chemin, etc. Il est là pour te dire, atteins la sagesse. Atteins le bonheur pour toi-même. Et c'est vrai qu'après, on a le truc où Dumbledore, globalement, il est plutôt inquiétant. Oh, il est horrible, Dumbledore. Ouais. Ouais. En fait, techniquement, il s'agit pas de rendre Harry Potter heureux. C'est pas vraiment ça, quoi. Non. Donc... Mais Dumbledore, il y a un côté où il est pas sage, en fait, parce qu'il veut réaliser son propre idéal avant celui d'Harry, quoi. Ouais, je pense qu'il y a ce truc-là qui joue entre l'image de la sagesse et un truc un peu qui a trait au magicien qui est du côté du bien, genre le magicien blanc, qui vient utiliser plutôt les gens pour les faire rentrer dans un droit chemin ou dans une voie toute tracée, quoi. Mais à l'origine, le sage, que ce soit chez Bouddha, chez Socrate, chez qui tu veux, il est là pour te faire devenir heureux. Après, on a un truc un peu plus inquiétant qui vient avec un manichéisme et des versions du bien qui s'opposent, etc. Ok. Voilà. Donc, allez, les sages, c'est plus ce que c'était, quoi. On peut le dire, quoi. Clairement, c'était ça que je voulais dire. Les sages, c'était mieux avant. Ce sera le titre de l'émission. Pas de toi. Ce sera trop le titre de l'émission. Les sages, c'était mieux avant. Et est-ce qu'on a, du coup, pour finir sur une note plus positive, quoi, je sais pas, des visions plus... des idées alternatives pour s'opposer un peu à ce modèle de vieux sage qui a été corrompu, hein, Steven, pour lui, après Socrate, il n'y avait plus personne. Du coup, est-ce que pour sortir de Dumbledore qui te force à être un héros ou Gandalf qui t'utilise comme un petit pion, est-ce que vous avez des exemples dans la pop culture de modèles qui ne sont pas celui d'un vieux qui vient t'apprendre et qui est mystérieux, mais où tu peux apprendre tout seul, apprendre avec d'autres gens qui sont comme toi? Qu'est-ce que vous avez là-dessus? Silence, le silence est inquiétant. Oui, je veux vous dire un truc, parce que ça me fait rire dans mes notes, il y a écrit « Tu peux apprendre de toi-même, entre parenthèses, Shrek Dark Soul ». Et ça me fait rire d'avoir mis ces références ensemble, parce que je pensais au fait que dans Shrek, il n'y a pas de sage. Il fait en gros, les films Shrek, il fait des conneries, et après il fait « Ok, j'aurais pas dû faire ça, j'ai compris que c'était pas bien ». Il apprend par l'expérience tout seul, sans qu'il y ait un vieux qui lui dise donne des conseils. Du coup, ça c'est un truc où il apprend tout seul, en faisant des conneries. Ouais. Et dans Dark Souls, c'est pareil, il n'y a pas de vieux sage qui te balance l'exposition du monde et qui t'informe sur ta quête. T'arrives dans un monde, les règles sont compliquées, t'es perdu, il n'y a pas de carte, et vas mourir 36 fois avant de comprendre comment ça marche. Dans les deux cas, t'as une alternative au vieux sage qui est apprends tout seul. Ouais, mais attends, dans Dark Souls, t'apprends que dalle la sagesse, t'apprends à tuer des monstres, ouais, mais t'apprends tu viens, des patterns. Oui, d'accord, mais c'est juste dans la forme de l'apprentissage. Si tu veux, tu peux prendre The Witness, ouais, mais un là, jeu de réflexion. Tu confonds encore une c'est fois. La même chose, t'es dans une île, t'as pas d'indication, tu te débrouilles et t'as des énigmes. Non, mais oui, d'accord, ok. Y en a bah, de manière générale, le jeu vidéo veut que toi-même, en tant que personnage, tu deviennes plus sage au fur et à mesure parce que tu expérimentes dans le jeu y a des, pas de sagesse, des pratiques arrêtez, y a pas et de sagesse. Tout ça. Ouais, mais il y a genre des jeux Tekken, qui fonctionnent y a comme pas des de livres, sagesse. T'as un vieux qui t'apprend au début, tu as Zelda au début, oui, Breath bien sûr. Of the Wild. Ce que je veux dire, c'est que de manière générale, je pense que le jeu vidéo, c'est là où tu as le plus de l'exemple mais... de bah, c'est par toi-même que tu apprends, quoi. Mais parce que vous confondez là complètement la figure du sage à la figure du mentor. Oh là là. Qui t'apprend à faire des trucs. Parce que sinon, moi, je vais te dire dans... Ah ouais, bah Lara Croft, pareil, Tomb Raider, il n'y a pas de sage. Mais bon, t'apprends à tirer sur des singes. Où est la sagesse? Il n'y en a des pas. Des tigres. Juste. Ou des tigres, et puis des ours, et puis voilà, des trucs. Mais t'apprends non, mais tout seul, ouais. Évidemment mais que y a c'est pas la de même sagesse. Chose. Mais juste, le vieux sage, il incarne un modèle d'apprentissage vertical, alors qu'il y a d'autres modèles d'apprentissage possibles, quoi. Oui, mais non. Parce que... Oui, mais parce que là, il n'est pas question de sagesse. Le vieux sage, il t'apprend à être sage normalement. Là, bah il écoute, est question ton d'apprendre. Jeu où t'apprends à être sage. Eh bien, Socrate ça s'appelle les cours, et je vous les conseille. Voilà. Mais non, mais là, il n'y a pas de sagesse. Enfin, je pense que Dark Souls, je n'avais pas compris hier quand tu m'en avais parlé sur Discord. Tu t'avais dit OK parce que voilà. Mais maintenant, je comprends parce qu'il n'y a pas de sagesse. T'apprends des patterns globalement. Il s'agit pas d'être sage, il s'agit d'apprendre à faire des trucs. Ouais, mais t'apprends à être sage parce que t'apprends à observer, à te protéger, à pas foncer dans le tas. C'est une forme de sagesse. Voilà. Ouais. Ok, tu t'en sors pas trop mal, mais bon, c'est quand même pas... Après, c'est sinon, un truc plus basique, si tu veux, c'est par exemple, il y a des figures de sage plus positives. Grand-mère feuillage dans Pocahontas, c'est un arbre, tout à l'heure on en parlait, et elle est pas là pour dire à Pocahontas, suis ta destinée, écoute, enfin, fais ce qu'on t'attend de toi. Elle est là pour dire, bah... Écoute ton cœur, tranquille, fais ce que tu as envie de faire. C'est quoi que tu veux faire? Ça, bah fais-le. Et voilà, elle est une figure de sage plus positive, qui veut que tu te réalises plutôt que tu suives une voie tracée, quoi. J'ai un exemple un peu, qui est un peu ancien dans ma tête, donc je me trompe peut-être, qui est un peu différent. C'est dans The Pacific, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la série qui a fait la suite de Band of Brothers, où c'est les soldats là, américains qui se battent au Pacifique. Ouais. Et je me souviens bien, la figure principale de la série... Il s'engage dans l'armée parce qu'il est en mode propagande, haine du japonais, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il se rend compte qu'il s'est plus ou moins fait manipuler et qu'en fait, ça a pas trop de sens ce qu'ils sont en train de foutre à aller tuer des mecs qui se battent eux aussi pour leur pays, et, etc. Et il y a, au fur et à mesure, même si c'est de la sagesse assez légère, j'ai envie de dire, il y a quand même une compréhension du monde qui s'installe chez le personnage principal. Ouais, pourquoi pas. Ouais, je pense que ça marche. Toi, Steven, t'as des exemples de sages plus positifs qui te forcent pas à comme Dumbledore à faire triompher le bien, mais à mais te en fait, faire triompher je suis un peu toi emmerdé en là, personne. Parce que du coup, moi, j'ai envie de virer Dumbledore du sage. Allez, on l'enlève. On a décidé tous les trois. D'accord. Dumbledore, non mais parce qu'en fait, on va lui couper les ongles. C'est genre un champion du bien, etc. En un certain sens, ouais, il apprend des trucs à Harry. Par contre, ouais, mais tu vois qu'il a toutes les caractéristiques qu'on a dit. Hein. C'est vraiment le modèle de la figure. Ouais, mais c'est un modèle un peu compliqué parce que déjà, c'est en plus, contre-modèle. Ouais, mais je sais pas. Pas dans comment il est construit comme un vieux sage. Après, on peut nous pas être d'accord, pareil. Mais il est construit comme un vieux sage. Il est construit pareil, mais premièrement, l'épanouissement de Harry, il s'en bat les couilles. Et, en plus, il change même sa conception de la moralité, parce que dès le début, il a pour ambition de... Enfin, il a dans son projet, en tout cas, de sacrifier Harry. Oui. Il y a un utilitarisme assez fort, en fait, chez Dumbledore, qui progressivement est questionné, etc. Donc, je pense que, en fait, je l'enlève des sages, moi, Dumbledore. Parce Allez, que je pense que le sage... La sentence est irrévocable. Tu vas casser ton buste, c'est ça, c'est Denis Brogniart. Que ce soit Bouddha, Socrate, qui tu veux. Eh bien, mais c'est pas de la pop culture, tout ça. Y a ou pas Merlin, de ou Merlin dans Merlin l'Enchanteur. Ou Merlin dans Merlin l'Enchanteur de Disney. Eh bien, okay. il a pas une conception du bien qui balance comme ça en disant bah, « Maintenant, tu vas faire ça. » Et puis, je te dis pas trop ce que tu vas faire, mais juste je t'envoie faire des bidules parce que moi, ça arrange ma conception du monde. Mais du coup, Gandalf, vraiment... c'est pas un vieux sage non plus, alors, pour toi. Parce que c'est un... Non, Gandalf, il est moins utilitariste par défaut, parce que en fait, le récit s'est mis en place, les hobbits, ça y est, ils ont chopé l'anneau sans vraiment le faire exprès, etc. Ouais, c'est alors lui qui donne l'anneau. Hein, Ouais, ils ont chopé... Ouais, oui, mais Frodon, Bilbo, c'est pas lui qui le... Oui, mais tu vois, Frodo, c'est lui qui fait « Ah, je fais tomber l'anneau. Bah tiens, Frodo, si tu veux le ramasser, bon, bah, garde-le. Ouais. Pardon. » Il est ouais, mais pas encore c'est l'anneau. C'est pas il y a tout un côté manipulation vrai. Chez ces deux figures-là qui me font dire que peut-être c'est des sages discutables. Bah, ils sont construits comme la figure du vieux sage. C'est à eux qu'on pense quand on pense vieux sage. Mais effectivement, à la fin, on peut dire « Est-ce qu'ils sont vraiment si sages que ça ?» Ouais. Et c'est peut-être ce qu'on fait aussi des figures intéressantes en soi. Parce que si c'était juste des vieux sages, bon, bah, ce serait moins c'est beau ce que tu dis. Ouais, après, vrai. Dans les figures différentes, j'avais deux exemples en tête. Le premier exemple de figure un peu différente au sens où c'est un personnage qui est construit comme un... Et c'est une personne à la base réelle qui est construit comme un personnage de sage habituel, mais c'est une femme, c'est Hypatie d'Alexandrie, qui est notamment dépeinte dans Agora d'Amenabar. Donc à la base, j'ai compris aucun des mots que tu as dit. Hypatie d'Alexandrie, c'est une meuf, elle s'appelle Hypatie, ouais. Et elle vient d'Alexandrie, okay. Donc on l'appelle Hypatie d'Alexandrie. Auteuil Neuilly-Hypatie, ok, c'est bon. Voilà, comme toi, on t'appelle Stavro de Neuilly-sur-Marne, je ne sais pas quoi. Voilà. Et un film qui s'appelle Agora, comme l'Agora, okay. D'un okay. Mec qui s'appelle Amenabar, comme Carambar, mais en différent. Ok, merci, voilà. Là c'est bon. Et c'est une femme qui était une philosophe. Et ce film, en fait, est une sorte de biopic un peu dans la mesure de ce qu'on peut faire comme biopic sur une femme dont on ne connaît pas grand-chose. Mais du coup, elle a vraiment cette aura de sagesse et elle est décrite comme une sage. Mais il y a un truc un peu différent dans le fait que, pour une fois, c'est une femme qui est décrite sous cet aspect de j'allais dire vieille sage, mais elle n'est même pas vraiment vieille, donc ça ne marche pas. Et voilà. Du coup, elle dit aux autres « Fie pas ci, fie pas ça », quoi. J'ai pas compris la blague. Je vois qu'il y a une blague. Moi, je l'ai. Les autres l'auront aussi chez eux, je pense. Et Mary Poppins, alors ? Mary Poppins, est-ce que c'est une femme magique ou est-ce que c'est une sage ? J'ai pas vu le film assez, j'avoue. Mary Poppins... C'est une bonne question. Moi, là, je ferais encore la distinction entre une sorte de mentor et vraiment la sagesse. Est-ce qu'elle a vraiment la sagesse ? Je sais pas. Ouais, c'était une question que je posais, hein. Je ne sais pas. Moi-même, je l'ai pas vu assez, j'avoue, pour... On joue au jeu du mentor-mentor, avec Steven, toujours. Mais je suis bon. Là pour faire chier parce que si on est d'accord, on est là genre oui, les vieux sages. C'est vrai, c'est clair. C'est vrai. Il y a aussi, tout à l'heure, on a parlé des personnages qui sont sages sans être des vieux sages. Peut-être ce qui est intéressant, c'est quand on apprend ces personnages-là et pas des vieux sages. Parce que du coup, c'est des gens qui sont égaux, qui ont le même statut, qui s'apprennent des trucs entre eux. Willow dans Buffy, justement, c'est avant qu'elle devienne un peu ouf dans la saison 6, qu'elle devienne un peu dark. C'était l'époque d'Evanescence, en même temps, on peut la comprendre. au début, elle incarne un peu une voix plus raisonnée. Giles, il est là pour faire le vieux sage. C'est le mec qui détient le savoir. Et c'est un peu comme Padawan maître, c'est Slayer, Watcher, quoi. Enfin, tueuse, observateur. Mais Willow, elle est là pour. Elle a le même âge que Buffy, c'est une des calmars de classe, un peu plus raisonnée. Ouais, mais tu vois, pour le coup, Willow. En tout cas, dans la saison 1, elle a vraiment l'attribut de la sagesse au sens presque négatif. C'est une intello, quoi. C'est une geekette. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une intello. Willow, c'est une intello, et justement, il va falloir un certain nombre de saisons avant qu'elle s'affirme un petit peu. Sinon, c'est la première de la classe. Ouais. Il y a quand même une sorte de point commun entre Hermione Granger et Willow, en un certain sens, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas intéressant quand ces personnages-là, ils évoluent aussi, ils ont leur propre chemin vers la sagesse, comme Samuel Tarly dans Game of Thrones, où c'est des sages, des aspirants sages, mais du coup, ils proposent un chemin aux héros sans être leur supérieur. Ouais. Alors, tu vois, on peut aussi faire des trucs comme ça, on peut réfléchir un peu plus. Mais moi, je suis au même niveau que toi, quoi. Au moins, dans le modèle, tu apprends de quelqu'un qui est comme d'un égal. C'est pas vertical, quoi, c'est horizontal, là, pour le coup. Ouais, mais dans quelle mesure, du coup, on va parler de figure de sage ? Bah, c'est des gens qui sont sages sans avoir la fonction et le rôle du vieux sage. Tu voudrais dire qu'il vaut mieux apprendre d'Astérix que de Panoramix ? Eh ben, peut-être, ouais. Ok. Peut-être. Eh bien, c'est une question ouverte. Nous, on attend vos tweets en trois parties pour répondre à cette question. Non, mais surtout, ouais, n'hésitez pas, parce que du coup, on a... Si vous avez des exemples, des positifs aux alternatives qu'on a données, de vieux sages qui peuvent être des minorités qui sont pas là pour aider des blancs, qui sont juste des sages en eux-mêmes, ou alors des sages qui sont pas là pour imposer la voie du bien, des trucs plus positifs, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. D'avoir vos retours sur ça. Pas des retours sur vous n'avez pas cité machin, mais dire ah bah ce que vous avez dit là, ça me fait penser à ça. Ça, on aime bien. Voilà, comme ça on vous répondra dans 3 ans. Pour la prochaine. Pour la prochaine. du coup, est-ce qu'on a dit tout ce qu'on pouvait dire ? Bon, je pense qu'on pouvait dire d'autres trucs et des trucs plus intéressants, mais on laisse ça à d'autres personnes dont on fera les préfaces. Égal. Exactement. Et du coup, pour finir. Stavro, juste voir. Que sur le conducteur, t'avais mis Aimé Jacquet et tu n'en as pas parlé. Je suis assez déçu, j'attendais le moment Aimé Jacquet. C'est vrai, j'avais mis. J'ai l'impression que tu pouvais le mettre dans chaque partie. Si on l'avait en fait, autant aimé, Jacquet, c'était parce qu'il incarnait pour nous le vieux sage. Il avait le côté grand-père, côté mec qui a l'air de savoir ce qu'il fait. C'est un coach sportif. On aurait voulu qu'il coache la France et nos cœurs, quelque part. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on n'a pas aimé Raymond Domenech qui, lui, n'arrivait pas à se conformer à l'image de vieux sage coach sportif qu'on avait dans notre tête après Aimé Jacquet. Voilà ma théorie. On va en rester là. Intéressant. J'ai bien fait de poser la question. Je suis désolé pour les auditeurs. Et du coup, pour finir, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag... vieux sage. Le hashtag vieux sage, très bien. Le hashtag Général Mentor. Général Mentor. Ouais, c'est une blague sur General Motor. Je vous l'avoue. Bon, pour moi, le meilleur, c'est Porte Mentor. Donc après, depuis, j'ai plus rien. Je suis un peu comme un mec qui aurait fait un tube dans les années 80 et qui, depuis, vivote, quoi. Et du coup, pour finir et pour passer à autre chose, pour faire un peu de diversion, on va entendre Steven inaugurer une nouvelle. Aventure de Patrick, un nouveau format de Patrick, parce que c'est la saison 2 de Fucking Kermesse, on peut le dire, hein, du coup, oui, on peut tout dire, a changé. Tout le format est différent, les invités sont différents, ce qu'on dit est différent, notre humour a changé aussi, vous avez vu. Voilà. Donc, on continue cette grande roulade du changement avec Steven qui va faire un inspecteur Patrick. Du coup, on va pas changer les traditions, hein, parce que il faut quand même qu'il y ait une continuité entre les saisons de la Fucking Kermesse, c'est très important, vous avez bien compris que là, vraiment, quelque chose d'autre commençait, mais sur les mêmes bases. Hein. c'est gueule, parce qu'on a dit que c'est la saison 2, alors qu'il n'y a rien qui change. Enfin, vous aurez compris, bien sûr, chez vous, l'humour de cette proposition. Mais du coup, Steven, toi, t'as quand même fait un truc un peu différent ou pas du tout ? Oui, j'ai fait... Patrick déguisé. Mais je l'ai dit dans l'introduction, à un moment donné, je crois, l'inspecteur Patrick, numéro 1. Da Flunchy Code, alors on t'en prie. Alors, bah j'y vais, je suis parti. On va suivre Patrick dans ses investigations. Les mois s'étaient écoulés et bientôt les années, et personne n'avait de traces de la Fucking Kermesse. Après un épisode habituel, c'est-à-dire un épisode moyen, la Fucking Kermesse avait totalement disparu des radars. Notre bon Patrick, comme tant d'autres auditeurs, c'est-à-dire plus ou moins 4 personnes, continuait à espérer. Il faisait partie de cette génération qui se souvenait. Las d'attendre, Patrick décida de mener une enquête. Le voilà devenu inspecteur. Inspecteur Patrick. Après une réécoute fastidieuse de l'épisode 28, en prenant des notes, il se rendit compte que rien n'annonçait cette disparition, sinon l'aspect assurément désuet de l'émission. Cela n'en était pas moins brutal, et Patrick n'avait aucune piste. les différents membres de la FK semblaient avoir cessé toute activité. Tous les membres, à l'exception d'un seul, l'illustre Alexis de Wooniverse, que personne n'appelait par son pseudonyme Landros. Patrick avait une piste. Alexis avait lourdement rappelé, dans les différents épisodes de la FK, qu'il tenait une chaîne d'histoire sur Dailymotion. Il décida d'aller faire un tour sur son compte Google+, pour traquer une trace du retour de la FK. Il espérait trouver un historien valeureux qu'il aimait imaginer en Indiana Jones. Mais en réalité, Alexis ressemblait davantage à Nigel, le sidekick de Sidney Fox à l'aventurier. Sur la chaîne Dailymotion d'Alexis, qui se nomme astucieusement Nigel fait des vidéos, aucune trace de la FK. Alexis semblait, comme tout le monde, avoir oublié cette période trouble de son existence. Mais en bon inspecteur, Patrick se doit d'aller sur le terrain. Et après 2 ans à écumer les flunchs de toute la France, après avoir veillé à couvert des journées entières dans le fameux flunch de Beaubourg, Patrick devait se rendre à l'évidence, la FK avait définitivement disparu. Définitivement cette fois. Il décida d'écrire un livre nommé L'Esprit Kermès, dont je vous cite la conclusion. Tout coule, donc je cite vraiment la conclusion du livre de Patrick. Hein. Tout coule, tout meurt, et l'esprit Kermès ne fait pas exception. Sur un site internet nommé Le Monde Citation, Hegel a écrit un jour « L'art est pour nous quelque chose du passé ». Je me dois, cher lecteur, chère lectrice, de vous annoncer quelque chose de plus terrible encore. La kermesse est pour nous quelque chose du passé. Fin. Et voilà, c'en était fini de la fucking kermesse. Quelques mois plus tard, durant le confinement, l'inspecteur Patrick décida de mener une nouvelle enquête. Le monde était plongé dans un chaos. Indicible. Patrick avait une très bonne idée pour écrire un best-seller et il espérait que personne d'autre n'aurait la même idée que lui, écrire un livre sur le coronavirus. C'est un bel espoir, Patrick. Au cours de ses recherches, l'inspecteur Patrick fait une découverte qui le fit vaciller. Ce n'était pas sur un marché d'animaux bizarres que le virus était apparu, mais dans le flunch de Wuhan, qui servait du pangolin sauce samouraï. Était-ce un signe ? Il fallait creuser. Et Patrick fut mené de découvertes en découvertes. Le flunchy local, était lui-même un pangolin du nom de Stavro. Étrange. Il était temps de mêler les deux enquêtes. Peut-être fallait-il revoir l'historique de l'esprit Kermès. Et c'est en buvant son whisky de la marque Repère que tout fit sens pour Patrick. La fucking Kermès s'était arrêtée sur un épisode consacré à l'apocalypse. Étrange. Juste après un épisode sur Lovecraft. Étrange. Entre les deux se trouvait un épisode maudit à jamais perdu. Étrange encore. Tout cela commençait à faire beaucoup de coïncidences lourdes de sens. Même si on ne comprenait pas vraiment le sens. Patrick commençait à sombrer dans la folie. On aurait dit une version low cost du Da Vinci Code. Au cours des derniers épisodes, il y avait eu un grand nombre d'invocations de Flunchy, et le dernier épisode était lui-même un évangile. Pire encore, malgré l'arrêt total de la diffusion de la fucking kermesse, il y avait encore 2000 à 3000 personnes qui écoutaient, par mois, cette ignominie. Et les adeptes continuaient à implorer sur Twitter un retour de la kermesse. Patrick fut pris d'une terreur indicible. La kermesse allait revenir. Elle n'est pas mort, celui à qui jamais dort. Ah, c'est comment on dit ? N'est pas mort, celui qui a jamais ne dort. Ouais, un truc comme ça, ouais. Voilà. À cause de raisons ineffables que je ne peux évoquer ici, il semblait même évident à Patrick que la disparition de Chirac n'était pas accidentelle. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un sacrifice mené par les adeptes de la kermesse. C'est en avril que ses soupçons se levèrent. La FK-29 sortait enfin, tel un monstre du passé qui refaisait surface. La kermesse était de retour. Voilà, wow, j'ai terminé, j'ai pas de chute. Bravo! Très belle chronique. Alors, par contre, c'est en mai, je crois que ça va sortir. Ah ouais, c'est en mai. On est en mai, là, présentement? Oui, on est en mai. Écoutez, les dates, c'était avant. Avant, on donnait des dates, on donnait des noms au jour de la semaine. Voilà, c'était. Ah, maintenant, il n'y a plus qu'un seul. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul repère, c'est les applaudissements. Et pour ma part, dans la rue, les musiques de Patrick Sébastien à 20h. Voilà, c'est à peu près le seul repère chronologique qu'on a. Bravo, Steven, en tout cas. Ouais, bravo, très belle chronique. Merci beaucoup, Steven. Comme quoi, là, la vie Patrick évolue et se bonifie avec le temps. du coup, Bah oui, on a fait une fucking kermesse quand même. Hein. Peu importe comment elle est là. Ouais, elle est là. c'est au moins ça te fait. Enfin, elle n'est pas encore faite, il va falloir la monter. Mais, ouais. Mais t'as pas présent. Vu la gueule des enregistrements encore. Ouais, non, j'ai pas vu on ça. On appelle le Montor, donc c'est bon. Donc ça se trouve, elle va sortir en juin, j'ai menti. du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? On peut leur dire de mettre 5 étoiles parce que, alors là, vous pouvez dire oui, j'ai pas trop aimé quand vous avez parlé de hey, on a fait une fucking kermesse, donc vous mettez 5 voilà. étoiles. Ça bon. Mérite 5 étoiles. Après, dans les commentaires, vous pouvez mettre c'est de la merde, brûlez-les, voilà. mais mettez 5 voilà. étoiles, on s'en fout. Mettez 5 étoiles. De toute façon, je crois que iTunes supprime les commentaires où il n'y a pas eu 5 étoiles. Donc, Ouais, je crois aussi que c'est une nouvelle disposition qu'ils ont prise. Voilà. Vous pouvez aussi, ouais. bien sûr, aller regarder Analeps. Hein, je sais pas si ça, voilà. on l'a déjà dit. Je sais pas si les gens savent que tu fais Analeps. Allez sur Nigel, fais des vidéos. Les gens savent que je fais Analeps. T'as fait un épisode sur les Gaulois, là, c'est ça, récemment Le dernier, ouais, c'est sur « Existe-t-il un art gaulois ?» Et je parle des romans de Jean-Philippe Jaworski pour illustrer mon propos. Hein, gagner la guerre et tout ça. Voilà, bah, donc du coup son nouveau cycle sur les Gaulois qu'il a fait, mais oui, l'auteur de Gagner la guerre, entre autres. Ok. Bah Steven, du coup toi tu peux, tu fais ton podcast, le Bar à Louisette. Ouais, le Bar à Louisette. Sur la résurrection. Voilà, et l'épisode 2, petite avant-première, mais ça se trouve, c'est pas du tout une avant-première, ce sera sur l'esthétique de la loose. Waouh. Et vous m'invitez même pas, super. Stylé. Eh ben, peut-être on peut t'inviter, je ne sais pas. En hologramme. Allez. Et moi, bah écoutez, voilà. On se retrouve aux échecs, merci, aux échecs assistés. J'ai pas de projet dont faire la pub. Un jour peut-être, parce que moi, un vieux sage aussi, j'écris des choses et vous les verrez quand ce sera prêt. Et vous aurez intérêt à les acheter ce jour-là. Vous vous abonnez à Analeps et quand je sors un livre, vous arrêtez l'abonnement et vous le mettez dans mon livre. C'est important. Ça me va, ça me va. Ouais, t'as encore 2-3 ans devant toi, on est bien. du coup, bah, est-ce on fait des bisous, on s'engage bientôt, que à faire une F4. Oui, Steven, tu veux parler. Oui, est-ce qu'on s'engage à faire une F430 prochainement? De toute façon, on doit en faire 50 pour que je me fasse un footix. Hein. Donc voilà. Écoutez, même si d'ici là, on sera tous des vieux sages. Est-ce que Alexis de Analeps, tu t'engages à faire une F430 avec nous? Ouais, pourquoi pas. Ça sent la motivation. On sent la motivation. Non, c'était cool en tout cas de revenir parmi vous, c'était très sympa de m'inviter. Et la table est virtuelle, mais le plaisir est réel. Ah, voilà. C'est beau. Ah, c'est beau. Le roule-plateau et le flunch, lui, est bien réel. Ah, il est dans nos cœurs depuis le début. Enfin, le flunch, pour le moment, il est fermé, je pense. Donc ça se trouve, on est plus réel que le flunch. Waouh, enfin. Du coup, bon, on fait des bisous, on vous dit à bientôt, et puis voilà quoi. Allez. À la revoyure. Ciao, salut. Salut.